step, you will know that seals that I'm going downtown. I'm losing down my servers that we're going downtown. You my nose will die. You my nose will die. Is melting my fears and angst away. The night might be coming, still hoping for a good day. Thank you.

soir, chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Vous le savez, le vendredi soir sur Radio Arc-en-Ciel, justement, c'est 96.2 MHz et c'est l'émission Mavrika. Et depuis bientôt, ça fait combien de temps déjà? Ça fait 14 ans. Nous recevons ici des artistes de la région orléanaise et vous le savez, les meilleurs artistes locaux passent dans l'émission Mavrika. Et c'est pour ça que ce soir, nous avons un groupe aujourd'hui en direct. Depuis le début de l'émission, on a écouté plusieurs artistes. On a écouté Adrenaline Motors avec un titre qui s'appelle Adrenaline Motors. On a écouté Apolline avec Puck. On a écouté Grande Day avec Highway. The Cross Band avec Height and Humble. Et juste après, juste avant que j'intervienne, c'était le groupe Skydroll. C'était le dernier groupe que nous avons reçu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et le morceau que nous avons écouté s'appelle Burn. Voilà. Donc la semaine dernière, vous êtes posé des questions parce que j'avais bien annoncé qu'il y avait une émission numéro 627. Et l'émission 627, c'est la première fois que ça arrive. C'est une émission fantôme puisqu'elle n'a jamais été diffusée parce qu'il y a eu un petit souci. Bon, c'est pas bien grave. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont posés la question, ils m'ont envoyé des messages, ils me disaient voilà, t'es pas au studio, et puis normalement on aurait dû écouter des artistes Mavrika, et pas du tout, non, parce que la personne qui était avant, qui devait lancer le truc, n'a pas pu le faire, donc ne vous inquiétez pas, donc ça restera comme ça dans l'histoire. Il y a une émission qui n'existe pas, c'est la 627, et aujourd'hui, si vous avez bien suivi, c'est la 628, et nous recevons dans nos studios un groupe qui est déjà venu, mais depuis ça a un petit peu changé, donc on va suivre l'actualité du groupe que nous recevons ce soir. Il s'agit du groupe Narcos. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Juste après, on écoute un morceau de nos amis Esprit d'Escalier, Golden Cage, et on retrouve le groupe Narcos sur Radio Arc-en-Ciel. Today. groupe Esprit d'Escalier sur Radio Arc-en-Ciel, voilà, avec un morceau qui s'appelle Golden Cage, hein, le groupe Esprit d'Escalier qui nous ont promis de venir à la sortie de leur album dans un an à peu près, parce que ils mettent beaucoup de temps à faire leurs albums, donc pour l'instant on en a deux à vous diffuser, deux albums et une maquette, donc on vient d'écouter un morceau qui n'est pas vraiment du format radio comme on a l'habitude d'écouter sur les autres radios, mais sur Radio Arc-en-Ciel on peut se permettre de diffuser les morceaux de la longueur qu'on veut, et c'est un morceau qui dure plus de 10 minutes, voilà. Donc on revient avec nos amis du groupe Narcos qui sont présents dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et avec lesquels on va continuer à discuter un petit peu de la musique et de leur aventure, puisqu'ils étaient déjà venus il y a quelques temps. Alors là, tout à l'heure on s'est posé la question, c'était quand? C'était dans l'émission numéro 531, c'était le vendredi 9 décembre 2022, et depuis il y a eu quelques changements dans le groupe Narcos, donc on va les accueillir et puis on va discuter un petit peu avec eux pour connaître la suite de leurs aventures. Bonsoir les Narcos. Bonsoir. C'est bon, on entend tout le monde, c'est bon. On va régler les micros au fur et à mesure, hein, comme on a l'habitude de le faire dans l'émission Mavrika. Alors justement, le groupe Narcos, c'est un groupe qui était déjà venu il y a 2 ans, hein, c'est, 3 ans. Bientôt. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai que le temps passe très vite. Hein. Mais depuis, il y a eu quelques petits changements. Donc le groupe est toujours composé de 4 personnes. Ça n'a pas changé. On est sur 4. On a été 5 voilà, encore 4-5 mois, mais on est 4. D'accord, ça évolue. Mais il y a un changement majeur, c'est le chanteur qui a été remplacé par une chanteuse, c'est ça? Et oui, voilà. Qui, la chanteuse qui s'appelle Gabi, elle va se présenter. Moi. Moi c'est Gabi, du coup. j'ai rejoint le groupe juin dernier, je crois. Oui, c'est ça. Juste après la fête de la musique. Ouais, ouais. C'est ça. Et je suis d'ici, je suis de Fleury. D'accord, très donc, bien. Donc je suis à la maison, tout va bien. À la maison, donc c'est tout près. Donc si ça finit tard, t'as pas beaucoup de chemin tout à faire. Je suis donc à côté. C'est impeccable. Très bien. Donc nous, justement, Radio Arc-en-Ciel, on ne sait pas assez. On nous dit que c'est une radio d'Orléans, mais on est à Fleury aussi. Hein, donc on est à 5 minutes du centre d'Orléans. C'est pas bien loin. Mais en attendant, bon, ça nous fait plaisir de voir qu'il y a des artistes locaux et vraiment locaux. Hein. Donc voilà. Très bien, donc le groupe Narcos, il est composé de 4 personnes, on vient d'entendre Gabi, ouais. et les autres personnes, donc je vais les laisser se présenter. Ben moi c'est Bertrand, je suis le guitariste du groupe Narcos, et je fais les chœurs, et puis de temps en temps aussi je chante sur 1 ou 2 morceaux, voilà. Très bien. Oui, moi c'est Pascal, je suis batteur et percussionniste. Je fais aussi des arrangements sur les percussions électroniques pour arranger un peu nos chansons. D'accord. Voilà. Et puis, j'ai essayé de me mettre un peu au chant, mais j'ai arrêté parce que j'ai pas franchement la voix. Voilà. Il y a des gens qui ont des voix faites pour, on dirait. Voilà, c'est un, c'est inné. Après, ça se travaille aussi. Hein, c'est beaucoup de travail. Et il y en a d'autres des fois. Bon, ça passe pas. Bon. Je me contente de taper sur mes fûts, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Là. Ça, c'est important. Ça, c'est ce qui donne le rythme. C'est ce qui donne le tempo. Donc très bien. Donc Pascal à la batterie. Et bonjour, moi c'est Stéphane. Donc je suis bassiste du groupe. Voilà, il manquait la basse, parce que la basse, c'est important. Hein. Ah surtout pour moi. Oui, c'est vrai que la basse-batterie, c'est la base de la musique que vous jouez. Hein, donc très bien. Et puis, contrairement à ce que certains disent, les bassistes, ils servent à rien. Si. Ah oui, ils sont très très importants, les bassistes. Ils sont très importants, et en plus ils sont très demandés, et puis c'est rare de trouver des bassistes. C'est vrai qu'autant des guitaristes, il y en a beaucoup, mais des bassistes, les gens se les arrachent. Donc vous en avez un bon, gardez-le. Voilà. Très bien. Alors le groupe, il existe depuis combien de temps? Voilà, ça fait 10 ans. 10 ans. Et le groupe a été fondé en 2014. D'accord. C'est un groupe qui a été, on va dire, j'ai rencontré Pascal à l'époque. On jouait ensemble dans un groupe qui s'appelait les Icars. C'était un groupe qui était rattaché à une école de musique. L'école de musique de Châteaudun. Voilà, de Châteaudun. Et puis on faisait des morceaux pour l'école de musique. Et puis on a décidé de monter un groupe. On s'entendait bien. On avait à peu près des goûts similaires. Et puis ce qu'on jouait avec ce groupe, les Icars, qui était bien, hein, bon, très bon groupe. D'ailleurs, on a gagné un concours avec ce groupe-là. On a gagné un concours. Et on s'est dit, on va monter un groupe de rock. Voilà. Et après, on a On a, à l'époque, bah, il y avait Eric qui était dans le coin de passage, parce que j'avais travaillé avec Eric dans un groupe qui s'appelait Zespol, qui tournait un petit peu sur Châteaudun. On a repris les morceaux de Zespol. D'ailleurs, il y a des morceaux ce soir qui, c'est des morceaux qui avaient été écrits à l'époque du groupe Zespol. Et puis, on avait trouvé le bassiste Olivier qui a commencé Narcose avec nous. On a commencé à monter en puissance. Olivier est parti. Puis après, Stéphane est arrivé. Et puis, on a fait notre album. Et puis voilà. Puis maintenant, il y en a Gabi avec nous. Très bien, donc voilà, il y a toute une histoire et ouais. C'est vrai que c'est important de le rappeler, hein, ouais. Parce que bon, c'est vrai que des groupes qui restent constants pendant des années, il y en a pas énormément, et très donc bien. Il faut savoir que dans la musique, c'est aussi des aventures humaines et voilà, musicales d'abord, donc c'est artistique, et après il y a aussi le côté humain qui fait que des fois, bon, il y a des groupes qui sont formés d'une certaine manière, après il y en a certains qui vont faire un trajet différent, etc. Donc voilà, et donc bah, il est toujours composé de 4 personnes, ouais. Mais cette fois-ci. Il y a une période, on était 5. 5 aussi. Ouais. Oui, on avait un clavier qui était avec nous, ouais, qui était très bon d'ailleurs, mais il n'était pas très disponible non plus parce qu'il joue avec d'autres artistes. Alors, ce qui fait que bon, bah, il a décidé d'arrêter avec nous parce qu'il ne pouvait pas être partout. Quoi. C'est un peu dommage, mais bon, bah, c'est comme ça. Hein, ça... Ouais, on n'était pas non plus sur le même répertoire quand même. Oui, aussi. Il n'y avait pas que ça aussi. D'accord. Il y avait le côté répertoire musical. Voilà. Puis il était. C'est passé très très bien, on s'entendait bien. J'étais dans une petite formation de jazz, je l'ai connu à l'époque. Et après, je lui ai dit, bah tiens, ça serait bien. J'ai fait écouter l'album, il m'a dit, ah, c'est super, c'est bien. Il est venu jouer avec nous, il a fait quelques dates, mais. Il fait énormément de, on va dire, de musique sous statut semi-professionnel. Il va jouer en région parisienne avec une autre personne. Alors on le salue au passage, Alain. Hein, donc on lui fait un bisou parce que ça s'est bien passé. Et puis voilà, donc on le salue s'il nous écoute. Très bien. Donc vous avez parlé de style musical. Justement, je vais vous poser la question. Quel est votre style musical? Comment vous cataloguez parmi les musiques actuelles? Moi, je classerais ça dans le hard rock, entre le rock et le hard rock, avec beaucoup d'influences. Hein. Il y a des morceaux qui font très hard rock, voire on va aller sur un peu le heavy metal des années. Des années 70-80, et puis après, parfois, c'est plus du de la pop-rock aussi, hein. T'en penses pas, Pascal? Oui. Et puis, avec une petite touche un peu de musique folk, un peu. Ouais. On touche un petit peu aussi à la musique un peu médiévale aussi. Ah d'accord. Voilà, ouais. Donc il y a beaucoup d'influence. Et disons que oui, c'est ça. Ouais, c'est un mélange. Hein, on n'est pas vraiment. En fait, on peut pas nous cataloguer parce qu'on est. On a un univers qui est large. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Mais bon, en France, on a tendance à quand on parle d'un groupe, on aime bien dire voilà, c'est tel style ou tel style. En vérité, bon, à la limite, vous avez votre style à vous. Et quand vous serez connu, on va dire voilà, c'est du Narcose. Et puis c'est simplement, on connaîtra votre son. Et puis voilà. Très bien. Donc un groupe qui a déjà 10 ans. Hein, le temps passe très vite. Ouais, et puis ça, il a évolué au fur et à mesure et tout ça. Quelles sont vos influences? Vous avez cité plusieurs styles musicaux. Est-ce qu'il y a des artistes que vous aimez? Beaucoup. Moi, je vais pas faire une liste parce qu'on va y passer toute la nuit. Moi, j'ai commencé. Non, mon premier disque, c'était le Live After Death d'Iron Maiden. Donc voilà, je me souviens encore. Mon frère qui a ramené ça à la maison, quand j'ai vu la pochette, la LED qui sortait du sol avec les flammes partout, ouais, c'était fou, quoi. C'était pochette de d'Iron Maiden. Et puis à l'époque, il y avait beaucoup Metallica aussi qui tournait en boucle l'album Kill 'Em All, qui est très très bon album pour les puristes de Metallica. Tout ce qui est scène thrash metal, j'ai beaucoup aimé. Après, tout ce qui était alternatif aussi. Le métal français, Massisteria, que je suis allé voir récemment, le punk, Burning Heads. Par exemple, je suis allé les voir avec un jour, ils étaient à l'Astrolabe. Ah, oui, c'est super vrai. Super concert, les Burning Heads, ils assurent comme des bêtes. Vraiment, super concert, que du bonheur. Et puis après, j'ai redécouvert aussi Led Zeppelin, les groupes des Black Sabbath, les Beatles. Retour aux années 70, 60, ouais, même, et les Beatles. Puis, je vais aimer aussi un petit peu, moi, des fois, écouter un peu de temps en temps du reggae, le rock progressif, beaucoup comme Marillion, Birdfish, c'est assez pléthorique chez moi, il y a 400 CD, 500 CD, j'y compte plus. Mais ouais, du rock dans la globalité, quoi. Parfois ça peut péter, du Slayer, et puis après je peux mettre un truc un petit peu, on va dire, plus cool, ça veut dire plutôt de la pop rock ou du. Par exemple Pineapple Thief ou des groupes comme Porcupine Tree, mais un peu de français aussi, quelques petits groupes un peu de niche, Johnny's Car Wash, un petit groupe qui est sympa, groupe de punk que j'ai vu, les Trois Fromages, hein, par exemple, ouais, les trois fromages c'est sympa, c'est un petit groupe cool, et puis j'en oublie certainement, ouais. Pascal, oui. Dis-nous. Oui, moi c'est pareil, si on commence, je crois qu'on va y passer la nuit. Non, disons que moi ça a commencé quand j'étais en culotte courte, j'avais mon grand frère. Il n'y a pas très longtemps, 2-3 ans seulement. Ouais, voilà, c'est ça. Puis j'avais ma sœur aussi, à cette époque-là, ils étaient assez penchés, FLC, salut les copains et tout ça. En même temps, c'est comme ça qu'on a connu un peu la musique américaine. Moi j'avais quoi, 6-7 ans, quoi. J'avais pas encore poil au pâte, bien sûr. Et puis mon frère, il avait un de ses potes, il lui avait prêté des albums des formidables Rhythm and Blues. Et dessus, c'était des compilations. Il y avait Otis Redding, il y avait Percy Sledge, Sammy Dave, Wilson Pickett aussi. Mais alors, moi, ça me plaisait parce que ça. En plus, c'était la maison de disques, la Stax. Contrairement à la Motown, c'était un petit peu édulcoré, quoi. C'était un peu, la Stax, ça tapait plus fort, quoi. Et ça me plaisait. Et puis je me suis intéressé en écoutant la radio. À cette époque-là, on pouvait écouter du Deep Purple, ZZ Top, Led Zeppelin. Tout ça, ça commence. Et puis de fil en aiguille, après, je me suis mis à écouter des choses comme King Crimson, Yes, Emerson, Lake and Palmer, tous ces trucs-là. D'ailleurs, au travers de ces groupes-là, j'ai apprécié la musique classique aussi. Mmh. Entre autres, oui, j'adore, là, n'empêche pas j'adore Stravinsky, Prokofiev, tous ces trucs-là. Et puis c'est pareil. Parallèlement, je me suis aussi intéressé au jazz rock. D'ailleurs, si je me suis mis à jouer de la batterie, c'est en écoutant l'album de Billy Cobham, Total Eclipse. Là, il y a un solo de batterie sur cet album-là. Alors là, j'ai été complètement scotché. C'est pas possible de faire des choses pareilles, quoi. J'ai franchement été impressionné. Et puis la manière qu'il a de jouer. Et puis c'est ça qui m'a donné envie de jouer de la batterie, en fait. Alors après, j'écoutais du Mavishnu Orchestra, Jean-Luc Ponty, tous ces trucs-là, quoi. Et puis j'ai continué après les années 80, il y a eu la new wave, ça m'intéressait pas trop, quoi, ça c'était pas trop mon truc. Même le rock alternatif de cette période là et le hard rock, là, je vais me faire un ennemi là avec avec Bertrand, pourquoi c'était pas trop mon truc. Mais par contre, je me suis mis à écouter du jazz fusion. À cette époque-là, il y avait vraiment des bons groupes. Et puis, dans les années 90, j'écoute la radio, bang, Nirvana. Bon, alors là, ça a tout changé. Ah, d'accord. Et puis, j'ai dit, ça y est, le rock, il revient en force, quoi. Et puis, j'écoutais Bernard Lenoir sur France Inter à cette époque-là. Puis, il présentait plein de trucs, quoi. Alors, j'étais un peu comme un poisson dans l'eau, là, quoi. D'accord. J'étais heureux comme tout. Puis après, je me suis remis à réécouter du rock progressif. Puis c'est là que j'écoute toujours des groupes comme Tool, Porcupine Tree, tous ces trucs-là. Ça, voilà. Et puis j'écoute Narcos aussi. Ah bah oui, il faut écouter Narcos. Hein. D'ailleurs, on va l'écouter tout à l'heure. J'ai calé un premier morceau. Alors c'est un morceau du premier album. Hein. Oui. Donc c'était encore avec la voix de l'ancien chanteur. Donc, voilà. Et après, on écoutera des morceaux avec la nouvelle chanteuse Gabi qui est là ce soir. Très bien, donc on va demander aussi au batteur donc Stéphane quelles sont ses influences. Moi c'est un petit peu pareil côté, hein. Ça a commencé 6 années 90, donc c'était plus l'influence de Queen, Nirvana, mm-hmm. un petit peu punk, c'est pas un punk kids. Ouais. Aujourd'hui on retourne aussi un petit peu vers pop rock, hein, avec Radiohead ou Maneskin actuellement par exemple. Après, je suis assez divers. Hein. J'aime bien écouter un petit peu de tout. Il faut écouter un peu de tout. Hein. Je pense que les gens qui s'enferment dans un style, qui disent « moi, j'écoute que ça », je pense qu'ils passent à côté de plein de choses. Il faut écouter plein de choses et choisir ce qui est le meilleur. Voilà. Dans tous les styles, il y a des bonnes choses. Hein. Et moi, j'aime le rock, mais j'aime pas tout le rock. Il y a des trucs qui me plaisent pas. Et inversement, il y a des choses que je suis pas vraiment porté vers tel style, mais des fois, je t'écoute, je dis « ouais, c'est pas mal, c'est bien, voilà. C'est ça le plus important. » Donc voilà, plein d'influences différentes. La musique, il faut que ça rende heureux. Ouais, ben c'est ça. Ou ça nous plaît, il ne faut pas se forcer. Hein. Si on aime, on aime. Si on n'aime pas, on n'aime pas. Et puis c'est tout. Hein. Il y a autre chose. Hein. Il faut varier un petit peu. Et toi, Gabi? Moi, en fait, c'est un peu classique. C'est vraiment tout ce qui est rock, Scorpion, Queen aussi. D'accord. Linkin Park. Vraiment, le Nirvana aussi. J'ai Pascal qui a parlé de ZZ Top aussi, qui est très bon, ouais. Que j'aime beaucoup aussi. Donc, en dehors de ça, après Chaka Ponk aussi, qui fait du rock un peu plus différent, mais qui est pas mal aussi, que j'aime beaucoup. Ouais, c'est un bon groupe, il faut le voir en concert. Ouais, j'ai jamais eu l'occasion de les voir en concert, mais j'ai vu des fois des vidéos et tout ça. Apparemment, c'est un groupe, s'il s'est fait connaître par l'intermédiaire de ses lives, hein, c'est ça. Il y a des groupes qui enregistrent des morceaux, ils sont connus par leurs morceaux qu'ils ont enregistrés, et d'autres qui tournent, et qui sont des vrais musiciens, des vrais artistes, et Chaka Ponk en fait partie. Tout à fait. Et voilà. Puis en dehors du rock, j'écoute beaucoup de choses variées aussi. Mm-hmm. Donc j'écoute beaucoup de techno, j'aime beaucoup la techno. D'accord, très bien. Ça change complètement de registre, mais j'aime beaucoup. Ça, les gens, ils le savent pas, mais moi, je reçois beaucoup de musique rock et tout ça, mais j'adore aussi ce côté-là. C'est différent, c'est deux choses différentes. Hein. On peut très bien écouter la musique classique et du rock. Et moi, j'apprécie bien la techno, j'aime bien le rock, j'aime bien la musique classique, tout ça. Bon, j'ai un peu plus de mal avec le rap, mais il y a des bons trucs aussi. Voilà, après, c'est culturel aussi. Si on côtoie des gens avec qui écoutent du rap, on va écouter petit à petit, ils vont nous expliquer, on va comprendre un peu mieux. Moi, j'ai pas cette culture-là, donc. Mais par contre, j'ai passé des bons moments avec des rappeurs ici dans les studios qui nous ont fait des freestyles, on a passé un bon moment avec eux, c'est des gars super et tout ça. Après, c'est une culture, ça s'apprend aussi, hein. Voilà, ça s'apprend. C'est des bonnes choses en rap, quand il y a des très très bons arrangements derrière, souvent c'est bien, quoi. Mm-hmm. De belles surprises, moi j'ai mon neveu qui écoute du rap, j'étais plutôt hermétique, pas vraiment, en fait. J'écoutais direct les Beastie Boys, par exemple, les Beastie Boys. Oui. C'est pour moi, ou Wu-Tang, Cypress Hill. J'aimais bien, mais parce que derrière, il y a des musiciens. Ouais, en fait, des vrais musiciens, c'est ça. Il y avait des musiciens au Public Enemy. Il y a moins de musiciens au Public Enemy, mais Cypress, ouais. Et après, je me suis un peu éloigné. Et puis, il y a le neveu, m'a dit, ouais, ton père écoute ça. Alors au début je dis en fin de compte des fois il y a des arrangements, c'est pas mal. Justement il y a des rappeurs qui maintenant font du rap avec des musicos derrière et des arrangeurs, et on a des fois quelque chose de belles surprises. Très bien. Donc très bien. Voilà, plein de musiques différentes. Ouais. Et donc vous avez un peu pioché à droite à gauche et vous avez fait votre propre musique qui s'appelle Narcos. Ouais, c'est ça. Ouais, on va ressortir les influences. Quand même les morceaux qui sont très influencés rock, hard rock en partie. Après, il y a des influences un peu progressives. Ouais. Un peu. Voilà, pop. Moi, il faut qu'il y ait de la mélodie, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, moi, j'ai écouté des trucs des fois qui sont assez bourrins, peut-être un peu moins mélodiques, comme tout ce qui est death metal. C'est peut-être un peu moins mélodique, mais c'est assez important qu'il y ait une mélodie. D'ailleurs, c'était Kurt Cobain qui disait ça. Il fallait forcément une mélodie, quelque chose à pouvoir chanter, à pouvoir avoir en tête. Ça, pour moi, ça me paraît hyper important. Voilà. Et donc les morceaux de Narcos, ils sont la plupart du temps composés avec un refrain, il y a on évite de trop scander, on plutôt chanter, voilà. D'accord. Ça reste en tête après. Voilà, ça reste. Ça a pour but de rester en tête. Voilà, voilà, les gens vont commencer à écouter les morceaux, les reprendre avec vous, les refrains, les couplets, et ainsi de suite. Et voilà, ce qu'il faut, c'est que ça les marque, qu'ils aiment bien la mélodie et qu'ils ont envie de vous écouter une première fois, vous réécouter et de retourner vous voir en concert. Bah oui, c'est voilà, ça c'est ouais. Le plus important. Donc si vous avez fait Narcose, c'est aussi peut-être que parce que vous aviez aussi envie d'apporter quelque chose à la musique et qu'il y a plein de choses autour de vous, mais que vous avez envie de rassembler un petit peu toutes les influences que vous aviez et toutes les idées que vous aviez pour faire votre musique à vous. Oui, oui, ouais. Bah, oui, c'est ça, oui. Au départ, il y avait une première chanson, c'est Addicted to You, que j'avais écrite, que j'avais mise un peu sous le coude. Mais ouais, ça, le côté création, c'est un truc qui est très important pour moi, faire de la musique. Nous, on fait des reprises. Quand on va en concert, on a un catalogue de reprises maintenant qui est quand même bien fourni. Et après on a nos chansons à nous. Alors comme ça nous permet d'avoir un peu les deux casquettes. On va faire des scènes où on va nous demander que nos chansons. Alors on est content parce que on joue que nos chansons. Ouais, c'est vos compos, hein. C'est votre essence. Hein. Voilà. Et puis parfois quand on va jouer plus dans du bar, il faut forcément raccrocher les personnes. Donc on fait une sorte de set où on met nos chansons. Parce que les chansons, on en a beaucoup, en fait. Elles sont pas toutes jouées. Il y en a pas mal encore qui sont dans des cartons. Et on en joue maintenant peut-être 12-13 à peu près. Ouais, mais on a encore pas mal qui sont à rebosser. Et donc, c'est important ça, la création. Très très important. Ok, là on avait parlé pas mal de styles musicaux, on n'a pas parlé du funk. Vous avez quelque chose contre le funk? Si, j'adore. Non, parce que justement le morceau que j'ai calé, c'est Schizo Funk Killer. Donc, ouais, je me suis dit ouais. Voilà, bon, il y a peut-être aussi quelque chose à dire là-dessus. Non, c'est pas du tout. Non. C'est une chanson. J'ai voulu rendre hommage à un petit peu tout ce qui était, on va dire, série B, les polars de série B. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui, alors c'est pas forcément un thème très rigolo, mais pourquoi est-ce qu'il y a des tueurs en série, quoi. Enfin, quand on lit les polars, des fois, quand on regarde certains faits divers, on dit ouais, pourquoi. Ça a toujours alimenté aussi le rock un peu sombre. Il y a un album d'Iron Maiden qui s'appelle Killers qui m'a beaucoup influencé. Et le titre éponyme de l'album, c'est ça, quoi. C'est quelqu'un qui est dans la rue puis qui se fait courser par un tueur. Donc voilà, c'est un petit peu une sorte de d'arlésienne du hard rock aussi. Ça revient, ce thème, régulièrement. On se fait peur, un peu Black Sabbath ont été les premiers aussi à mettre des thèmes un peu sombres dans la musique. Ça m'inspire pas mal. Très bien. Tout à l'heure, on a passé un titre d'un groupe qu'on a reçu il y a quelques temps, qui s'appelle Skydroll. Est-ce que vous le connaissez, ce groupe-là? Non. Alors, il fait du rock assez dynamique, hein, du hard rock. Et justement, ils sont inspirés aussi par les comics d'horreur, les choses comme ça. Donc, voilà, il y a ce mélange-là un peu qui se fait dans certains styles. Et c'est vrai que eux, ça leur va bien. C'est leur univers. Et donc, là, c'est les polars. Donc, c'est vrai qu'on a le côté aussi horreur, se faire peur, etc., quoi. Donc, qui est mélangé à l'univers du rock'n'roll. Très bien, bon, on va écouter donc l'ancienne version, hein, parce que je suppose qu'il y a la nouvelle qui est sortie, j'ai pas encore tout regardé, mais après on va écouter aussi avec le nouveau groupe, hein, tel qu'il est constitué aujourd'hui, mais là on va écouter Schizo Funk Killer, le groupe Narcose. Complètement en stand. Écouter deux morceaux à la suite. On a commencé à écouter un morceau de, du groupe invité de l'émission numéro 628, l'émission de ce soir, le groupe Narcos. Donc c'était l'ancienne version du groupe, hein, avec un chanteur. Et cette fois-ci, les morceaux qu'on va écouter juste après seront interprétés par la nouvelle chanteuse Gabi, qui est la présente dans nos studios. Là, on vient d'écouter aussi donc le premier titre qu'on a écouté. Je suis en train de regarder en même temps parce que je marque tout. Vous pouvez aller sur le Facebook de l'émission Mavrika et vous avez le programme avec tous les morceaux que vous allez écouter dans cette émission. Donc justement, c'était Schizo Funk Killer, donc le groupe Narcos, et juste à l'instant, c'était Farmageddon avec le groupe les Burning Heads qu'on a cité tout à l'heure. Et ça fait toujours du bien d'écouter, ça nous nettoie un petit peu les oreilles d'écouter ce groupe qu'on adore. Voilà. Donc on revient avec Narcos et on va continuer à en apprendre davantage sur votre univers. Donc tout à l'heure on a parlé hors antenne des concerts que vous aviez fait et tout ça. Donc il y a eu un moment où vous avez fait pas mal de concerts, c'était en 2023 apparemment. Stéphane, tu disais combien une quinzaine. Une quinzaine. C'était une année bien remplie. On était très très contents. Ouais, on est sorti plusieurs fois de l'Eure-et-Loire parce qu'on répète sur l'Eure-et-Loire et on est allé jusqu'à Blois, Vierzon, Saint-Aignan. Saint-Aignan. Oh, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais, celui-là, j'avais toi, 41. Ouais. Des petits festoches, des bars, Chartres. Ouais, on a fait des concerts. On était assez contents. Et puis l'an dernier, ça a été une année un peu plus compliquée. Donc on avait des concerts de prévu qui ont été annulés soit le temps était pourri. Ça arrive. Ouais, l'an dernier, on a eu deux dates qu'on dégageait à cause de ça, je pense, du temps. Après on a eu des problèmes un petit peu au niveau de notre groupe par rapport au départ d'Eric qui s'est intervenu au mois de juin. Donc on s'est retrouvé un peu en power trio, on a assuré quelques dates, on en a assuré une, bon après c'était une petite date, fait de la musique, donc on a testé, c'est moi qui ai chanté. C'était la voix à Bertrand. Voilà, donc j'ai pas l'habitude de chanter comme ça, on a fait 2h30 de concert, un truc comme ça, à la fin j'avais la voix un peu éraillée, mais bon. On a fait le taf. On s'est amusé comme des petits fous. On s'est bien amusé. C'était un peu one shot parce que on n'avait pas l'habitude. Enfin, ça nous est arrivé quand même de jouer à trois. C'est pas la première fois que je chantais moi aussi parce que on avait fait pour le théâtre en herbe à Brou. C'est une scène pour des groupes locaux organisée par une association. J'avais pris le micro pour ce concert là. On présentait trois morceaux. Il y avait plusieurs groupes qui passaient et donc ça fait déjà une demi-douzaine d'années, mais c'était un peu au pied levé, donc j'avais un peu perdu. On avait joué aussi dans un bar à Saran qui s'appelait l'Octopub. C'est la première fois que Gabi a chanté avec nous d'ailleurs ce jour-là. Donc Gabi, on s'était croisés, t'avais chanté une reprise de Johnny Cash, une reprise, hein, c'est Nine Inch Nails au départ, hein, on avait chanté ensemble ce morceau, enfin t'avais chanté, moi j'avais pas chanté, j'étais accompagné, et donc cette année là on a sept concerts déjà en vue, il y en a quelques-uns qui vont arriver, donc c'est bien, ça s'annonce bien cette année, on commence au mois d'avril à Vierzon au café Aubery, c'est un café associatif. Après on va jouer pour les bikers du Gau-Saint-Denis le 24 mai, donc c'est organisé par la ville du Gau-Saint-Denis et une association de motards. On va jouer dans un petit bar sur Bonneval, chez Robert, je peux faire la pub, hein, c'est pas. Oui, c'est l'endroit où vous jouez. Voilà, donc, chez Robert, c'est une cave à vin, donc on va jouer le 13 juin. J'ai peut-être oublié. Hein. Ah oui, le 1er mai, on joue aussi sur la place du 18 octobre à Châteaudun. Ça, c'est pour la fête du 1er mai organisée par les syndicats CGT et FSU. Après, on va jouer à Thiron-Gardais normalement le 24 août. C'est pour les soirées d'été, Thiron-Gardais. Et on va jouer pour la ville de Châteaudun, c'est dans le cadre d'un festival. Festival de l'été en fait. Festival de l'été. Festival du Loir. Festival du Loir à Châteaudun. Au pied du château, s'il vous plaît. Voilà, au pied du château. Et puis, donc ça sera le 31, une semaine après. 31 août. Et non, c'est le 17. Ah, c'est le 17. Ouais. Alors non, c'est le 31. Ouais. 17 août, donc château dans le pied du château, 24 Tirons Gardais, et j'attends des réponses certainement pour le week-end d'après, pour certainement Vov aussi, pour on va jouer pour les scènes d'été à Vov. Et puis pour Pathé aussi, il y a l'organisation du Son des Blés. Donc c'est une association qui fait une scène le 13 juin de souvenir, le 13 et 14, c'est le week-end 13 et 14. Je vais peut-être raconter des bêtises. Bon, s'il y en a quelqu'un qui écoute, peut-être qu'il peut corriger sur internet. Mais et nous on va participer à la aux scènes, on va dire ambulantes qui vont tourner entre Pathé, Tournoisis, Coins. Ce sont les scènes, c'est la même association, s'appelle Un Truc en Plus, et donc on va jouer une soirée, on ne sait pas quand, quelle soirée, on s'est positionné sur deux soirées, et j'attends la réponse et la confirmation. Et il y a Brou aussi, là c'est pareil, encore une confirmation au 20 septembre. Donc cette année, ouais, ça s'annonce bien, on est assez content, on va pouvoir tourner un peu, et voilà. Et puis peut-être quand on... deuxième, enfin en fin d'année, on commencera à enregistrer les nouveaux morceaux, les nouvelles compos. D'accord. Très bien, bah, tu nous as sorti tout ça de tête. Hein, ouais. Alors je suppose que les gens ont eu le temps de noter. Si jamais ils n'ont pas eu le temps de noter, voilà, on le répétera dans l'émission. Mais on peut aussi retrouver ces dates-là justement sur votre compte Facebook. Facebook de l'émission. Ouais. Pas de l'émission, de Narcos. Ouais, Facebook de Narcos. On a un site, il faut que je remette à jour, un site aussi internet. Mais bon, le Facebook est quand même un canal qui diffuse bien les infos. Oui. On a créé un site internet, mais on communique beaucoup par Facebook. Hein. Voilà. D'accord. On a tombé tout dessus. D'ailleurs, j'ai mis les dates. Voilà, c'est vrai que j'ai fait ça de mémoire. Moi, je suis un amnésique. Je retiens tout, en fait, les détails, plein de choses. Hein. Donc, c'est tout le contraire d'amnésique. Hein. C'est une vraie mémoire vive. Ouais, c'est pas tout le temps facile. Très bien, bah voilà pour les dates. Hein, déjà, ouais, il y a un paquet. Donc pour Orléans, il faudra attendre encore un peu plus longtemps. Alors peut-être Fleury, je sais pas. Peut-être. On a déjà joué à Fleury-les-Aubrais. Peut-être moi une piste de mon côté pour le My Beers du coup à Fleury. D'accord. Faut que je leur envoie les démos et voir si ça leur plaît. Mais c'est peut-être faisable, ouais. Très bien, donc ça sera l'occasion de voir Narcos pour les gens qui sont d'Orléans. Ouais. Et voilà, parce que ou alors ils se déplacent un petit peu. Ce qui vaut la peine aussi, hein. Ouais. Ou alors ils attendent que vous veniez sur Orléans, et puis ça devrait se faire quand même dans quelques temps, quoi. Sur Vierzon, c'est vraiment super sympa, le café Aubéry, hein. C'est un café associatif, hein. On y a déjà joué une fois, une super bonne ambiance. C'est-à-dire que les gens se déplacent pour écouter des musiciens. Ou voir des artistes, parce que c'est un café associatif qui fait aussi qui permet à des personnes qui font du one man show, il y a de la lecture de poèmes, voilà, c'est un peu c'est basé sur la culture, quoi. Choses, et ouais. Et donc la fois on y a joué, Pascal, on était vraiment enthousiaste, quoi. C'était super, une très très bonne ambiance, on a puis du monde aussi, donc c'est toujours appréciable. Donc c'était bien. Quand on joue dans de bonnes conditions. Ouais. Beau souvenir, beau concert. Et puis pour Fleury, on a déjà joué aussi pour la ville de Fleury aussi. Oui. On a déjà joué juste après le confinement, ensemble. Ouais, fête de la musique, pas après la musique. Il y avait les estivales aussi. Ouais, les estivales. Ouais, on a joué pour les estivales. Alors ça, c'est un peu loin. On a été très très bien reçus par la mairie de Fleury. S'ils veulent nous recevoir, ils ont mon adresse mail. Voilà, très bien. Ben voilà, le message est passé en tout cas. Très bien. Donc, on espère vous voir très bientôt en concert. On rappellera les dates d'ici la fin de l'émission. Oui, et puis, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent retrouver les dates sur le compte Facebook de Narcos, tout simplement. C'est ça. Alors, Narcos, les gens pensent pourquoi vous appelez comme ça. On l'avait déjà expliqué la première fois. Ouais. Parce que Narcos, on pense le narcotique, etc. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Narcos, c'est. C'est la l'ivresse des profondeurs, en fait. C'est ce que redoutent tous ceux qui font de la plongée sous-marine, en fait. Et nous, notre but, c'était d'entraîner les gens qui nous écoutent dans l'ivresse des profondeurs musicales, en fait. C'est ça, quoi. Là, avec nos chansons. Mmh, c'est bien dit, hein. Voilà, c'est. Non, c'est rien à voir avec le narcotrafic, enfin tout ça. Oui, non, c'est vrai que le narco, c'est quelque chose qui est pratiquement naturel, en fait. C'est que quand on fait de la plongée sous-marine, des fois, on peut avoir un excès d'azote dans le sang, ça rend le plongeur un peu euphorique, et puis là, c'est dangereux. Ouais. Ça peut aller jusqu'à la mort, quand même. Ça pète, oui, c'est ça. Et ce que je ne savais pas, c'est que, par exemple, les cachalots qui descendent beaucoup plus profond, quand ils remontent, ils ont aussi ce phénomène-là. Ils sont obligés de faire des paliers. Ah oui, parce que sinon, des fois, on retrouve des cachalots qui ont simplement loupé leur palier et qui sont tombés dans les pommes à cause de ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, comme quoi, c'est tous les mammifères sont un peu sujets à ça. Ouais, ouais. Très bien. Bon, voilà l'explication pour le nom. Hein. Et puis, c'est un nom qui sonne bien. Ça fait rock and roll, donc ouais. Narcose. Ça se retient bien. Et puis, voilà. Ouais. Les gens, il n'y a pas de problème avec. Ils peuvent se shooter avec notre musique. Ouais, ça fait pas de mal. C'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Ouais. Voilà. Abuser comme ils veulent. Et en plus, Narcose, vous avez regardé un peu sur Internet. Vous êtes le seul groupe qui s'appelle comme ça, je crois. Ah ouais. Il y en a d'autres. Non, j'ai vu qu'il y avait. Enfin, c'était un duo de musique électro un peu. Mais c'est pas. Disons que ça n'a pas été bien loin, quoi. D'accord. Mais ça, je l'ai appris qu'après, ça. C'est vrai que c'est pas évident de trouver le nom d'un groupe qui n'a pas été déjà pris, quoi. Donc, Non, Narcos, c'est nous. Ouais, Narcos, c'est vous. Voilà. Voilà. Vous aviez hésité avec Beatles, mais bon, ça existait déjà. Rolling Stones aussi. Donc, ouais. Narcos, il dit, ouais, c'est pas mal. C'est eux qui voulaient s'appeler Narcos au départ. Ouais, c'est ça. Alors, non, arrêtez, les gars, c'est bon. Vous n'arrivez pas à la cheville, hein, donc arrêtez là. Très bien. On va écouter encore un petit peu de musique. Donc, cette fois-ci, tout à l'heure, on avait parlé du morceau, justement, que le premier morceau que vous aviez composé, finalement, Addicted to You. Ouais. Et là, on va écouter la version remix. Il y a écrit remix dessus. Ça veut dire que c'est une nouvelle version qui a été enregistrée. Alors, ça a été enregistré dans quelles conditions ça, Alors, on a repris les pistes sans la voix d'Eric. D'accord. On veut pas tout jeter la période d'Eric. Hein. C'est une très bonne période. D'ailleurs, je sais pas s'il nous écoute, mais au passage, je lui passe le bonjour bien amical. On le salue. Hein. Et on le salue. C'est pour permettre aussi de pas. Quand on veut faire de la promo, on voudrait pas envoyer des morceaux avec un chanteur et puis qu'en fait, quand on se pointe, on a une chanteuse. Oui, on comprend tout à fait. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a voulu, on a gardé les morceaux d'Eric, on les garde et on tient à les garder aussi. Et on a repris donc la partie musicale et on a posé la voix de Gabi sur les 8 morceaux qui ont été enregistrés. Voilà, maintenant on a commencé, c'est en 2022, quoi. L'album est sorti en 2023. On avait 2023. Vraiment 2023, on a commencé en 2022. Voilà, donc un album qui a été enregistré par Philippe Legoc, je lui fais un gros bisou s'il nous écoute. J'ai dit qu'on passe à la radio ce soir. Et j'espère qu'il nous écoute. C'est un peu le pas le cinquième membre de Narcos, mais en tout cas il est toujours présent pour filer un coup de main, pour la sonorisation, pour expliquer le matériel. Il est toujours très très bon conseil et c'est un ami aussi. Donc on t'aime. Et toujours il est dispo en plus. Hein. Il est super. Voilà, on l'embrasse. Voilà, Fifi. Très bien. Et donc l'enregistrement, vous avez repris les pistes et après vous avez pris la voix de Gabi. Voilà, la voix de Gabi qu'on a remis par-dessus. Vous l'avez enregistré où ? Dans un studio ? Ça a été fait à la maison ? Dans le studio. dans le studio salle de répète. Dans l'épicerie. Voilà. D'accord. Studio salle de répète. Pour ces morceaux-là, ouais. Mmh, très bien. Donc aujourd'hui, quand on est musicien, on est un petit peu technicien, on est obligé. Oui. C'est vrai qu'à une époque, les musiciens faisaient que de la musique. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'instruments électroniques, il y a beaucoup de manières de prendre des sons. On a la facilité aussi d'avoir un petit home studio à la maison pour pouvoir capturer des sons, les mixer, etc. Donc, vous avez la possibilité donc de faire pas mal de choses à la maison, quoi. Oui, oui, mais par exemple, bon, je vais pas faire de pub, mais il y a un logiciel qui fonctionne très très bien sur un. Sur des ordinateurs avec une pomme dessus, voilà. Donc, c'est un logiciel qui se prend vite en main en fait. Il est assez facile. Alors, il est pas aussi puissant que les logiciels comme Cubase. Cubase a été le logiciel avec lequel a été produit l'album de Narcos. Parce que Philippe, il utilise Cubase, mais je peux donner le nom, hein, GarageBand, il est quand même pas mal, ce qui permet de pouvoir repiquer des morceaux, faire des démos, donc c'est quand même un logiciel qui se manipule bien, et il est vrai que ouais, faut être un peu technicien, parce que maintenant les tables de mixage nous on a investi dans une table de mixage qui se pilote par informatique. C'est bien, justement Philippe nous a filé un coup de main pour pouvoir prendre en main ce matériel. Et il y a un côté technicien, brancher, faire les plans, donc ça a un côté logistique, technique. On est loin du temps où on enregistrait sur des cassettes. Quand on avait la chance d'avoir un multipiste à cassette, 4 pistes, hein, deux pistes dans un sens, 2 pistes dans l'autre. Ouais. Voilà, c'est tout ce qu'on arrivait à voir, et c'était déjà bien à l'époque. Aujourd'hui, non, on a beaucoup plus de possibilités, et c'est vrai que. Mais si on regarde bien, il y a aussi des références, des standards, des enregistrements qui ont été faits dans des conditions très simples et qui sont aujourd'hui une référence au niveau du son. Donc, comme quoi, des fois, c'est bien d'avoir des trucs super compliqués, mais il faut encore réussir à tout maîtriser, ce qui n'est pas toujours évident. Ah oui, je suis assez d'accord, et même nous, ce qu'on a voulu faire pour l'album de Narcos, on n'a pas trop voulu utiliser de simulateur en fait. Par exemple, les guitares, c'est directement sur le micro branché sur l'ampli avec un Shure, et puis le son analogique d'un ampli à lampe, on n'est pas passé par un simulateur d'ampli. Ça, c'était un truc que pour moi, je voulais pas du tout faire comme ça. Et c'est vrai, on a des sons d'album. Quand on sait que le Dark Side of the Moon de Pink Floyd, ça a été enregistré sur un 8 pistes, hein, c'est ça. Il y a plein de groupes, hein, quand même. Voilà, à l'époque. Et ça reste encore aujourd'hui une référence. Hein. Et ça reste aujourd'hui une référence, voilà. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on va écouter ce morceau, Addicted to You, donc la version remix, hein, comme on dit. Donc, en attendant que Gabi nous remixe un morceau en techno prochainement aussi. Ouais. Et pourquoi pas? Est-ce qu'il n'y aurait pas un DJ qui aimerait reprendre vos morceaux et puis les faire plus dansants, peut-être, justement, pour des festivals? D'ailleurs, tiens, je vais quand même faire un petit peu de publicité pour mes collègues, puisque si vous aimez le rock sur Radio Arc-en-Ciel, il y a l'émission de Manu on the Rocks, hein, c'est une émission qui existe depuis pas mal de temps. Elle commence, je vais mettre mes lunettes parce que c'est écrit en tout petit, hein. Donc on fait ça à l'arrache, on fait ça en direct. Alors c'est écrit en tout petit, donc On The Rock, c'est de 19h à 21h tous les lundis. Après il y a l'Electric Shock, pour ceux qui aiment le métal, le hard rock, c'est avec notre ami Christophe, c'est le mardi de 19h à 21h. Et juste après il y a un deuxième Christophe, c'est qui mixe de l'électro, c'est Christophe DJ, donc Electro Live, donc pour ceux qui aiment ces différents styles de musique, et puis ils s'entendent très bien, hein. Ils écoutent pas du tout la même chose, mais ce qui se passe sur Radio Arc-en-Ciel, c'est que il y a qu'un style de musique, c'est quoi, il y a deux styles, hein. Il y a la bonne et la mauvaise, et quand c'est bon, c'est bon, quel que soit le style, voilà, c'est ça le plus important. Donc eux, ils choisissent le meilleur dans chaque catégorie, et ce qui fait que dans l'émission Mavrika, on écoute des choses, dans les autres, on écoute des trucs différents, et c'est ça qui fait la richesse de Radio Arc-en-Ciel. Chaque animateur amène sa couleur, voilà. On écoute tout de suite le morceau, parce que depuis tout à l'heure on est en train de l'annoncer, mais on l'a pas encore entendu, mais comme ça on fait gagner un petit peu le suspense et on donne envie aux auditeurs de l'entendre. Ça y est, c'est parti. In my heart.

Voilà, retour dans les studios de Radio Arc-en-Ciel à Fleury-les-Aubrais, à 5 minutes du centre d'Orléans. C'est le studio de Radio Arc-en-Ciel. Et tous les vendredis soirs à partir de 19h, de 19h à 22h exactement, c'est l'émission Mavrika. Aujourd'hui, c'est l'édition numéro 628 et nous recevons le groupe Narcose. Et on a écouté d'ailleurs un morceau de Narcose, donc une nouvelle formation, hein, puisque la chanteuse, c'est une chanteuse qui remplace le chanteur, donc tout simplement. Donc on a écouté un morceau qui s'appelle Addicted to You. Bon, je le dis avec l'accent français parce que moi l'anglais, il paraît que j'ai un accent qui ressemble à l'accent du sud de Munich. Hein, plutôt. Donc c'est pas vraiment, voilà, mais enfin bon, vous m'avez compris. Et donc on écoutait ce morceau là c'est le premier morceau qu'on écoute, d'ailleurs on va commencer à en écouter beaucoup plus, parce que c'est le premier morceau qu'on écoute avec la nouvelle chanteuse Gabi, qui est ici présente ce soir. Et donc moi je trouve que ça sonne bien, hein, franchement. Céline, ça va bien aussi, hein, franchement. Je connaissais bien les morceaux, là je découvre en même temps que les auditeurs les nouvelles versions. Et je trouve que ça envoie bien. Hein. Ouais. Bravo, merci. En tout cas. Merci. Bravo, Gabi. Merci, merci. Et à l'instant, on vient d'écouter un groupe, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un groupe français. Hein. C'est le groupe Blizzard. Vous avez apprécié? Ah, c'est super bien. Alors, et ça, on dirait une sorte de mélange entre Opeth et Porcupine Tree. Bon, après, ça fait vraiment penser à Opeth. Hein. Mm-hmm. Un groupe de. C'est un groupe qui est inclassable un peu, mais on sent vraiment l'influence Opeth, quoi. Que les connaisseurs peut-être vont avoir la même remarque que moi, mais ouais, ça sent vraiment le Opeth, quoi. Très bien. Très bien. Donc c'est le groupe Lizard, qui est un groupe de Limoges. Donc ouais, ils étaient en concert il y a quelques semaines au Dropkick, ouais. Avec Esprit d'Escalier d'ailleurs, et on avait passé un bon moment, et moi c'était une bonne claque, hein, parce qu'il faut savoir, ils sont que trois, hein, à faire ça, hein. Ouais, donc le guitariste, il est excellent, le guitariste chanteur, la batteuse, parce que c'est une fille en plus, super super forte, super calée, et le bassiste, alors là il y avait rien à dire, hein, c'était vraiment super, et ils m'ont promis de venir un jour dans l'émission Mavrika, donc on les attend avec impatience, mais ils vont venir faire des concerts très bientôt vers le nord de la France, et ils vont remonter, et là on va essayer de caler une date pour qu'ils viennent nous parler de leur travail, et on passera un bon moment, ça j'en suis certain. Voilà, donc aujourd'hui on reçoit le groupe Narcose, le 28, la semaine prochaine. Alors c'était prévu qu'on reçoit un groupe, mais finalement ça a été décalé, donc on aura plutôt par téléphone, il va pas se déplacer, on va faire une interview par téléphone, c'est Max Livio, donc pour ceux qui aiment le reggae, voilà, on aime plein de choses différentes, et notre ami Max donc interviendra par téléphone. Et ça sera la semaine d'après, donc je regarde sur le calendrier en même temps. Alors donc ça sera le 7 mars exactement que nous recevrons le groupe qui s'est décalé, donc le groupe Lajari, le groupe qui vient assez régulièrement dans nos studios, et ça fait un petit moment, on est bien content de les recevoir, et justement ils sont en concert le 2 mars, hein, donc ils devaient venir avant leur concert, ils viendront après leur concert, ce qui n'est pas bien grave, on en parlera quand même. Châteaudun. Oui, moi aussi je les ai vus à Châteaudun une fois, j'ai au été théâtre. Que, au théâtre aussi. Ils devaient jouer à l'extérieur, et ce jour-là il faisait pas beau, ils sont rentrés exactement. Dans le théâtre, voilà, donc on était ensemble au concert. Comme quoi le monde est petit, hein, les grands esprits se rencontrent, et puis quand on a la même passion, surtout on se retrouve. Donc, et en plus pour moi c'était une belle surprise, parce que je connaissais pas le groupe. C'est vraiment très bien. C'est un des groupes que j'ai peut-être vu le plus en concert, parce que je les ai vus un grand nombre de fois, et à chaque fois c'est une bonne claque. À chaque fois ils ont une pêche, et c'est des gens super charmants qui viennent régulièrement dans l'émission Mavrika, et on s'entend très bien, et puis moi j'adore ce qu'ils font, et puis humainement, et c'est des gens que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, ils seront avec nous le 7 mars. Le 21 mars, ça sera Siragis. Alors c'est la première fois qu'on les recevra dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Donc on connaît déjà certains membres, mais c'est un groupe que nous avons jamais reçu, il est récent. Le 28 mars, ce sera le groupe Azen Blues qui viendra dans les studios Radio Arc-en-Ciel, pour ceux qui aiment le blues et le rock and roll. Le 4 avril, ce sera le groupe Rascasse. Le 19 avril, ben, on organise, ça sera un samedi, hein, cette fois-ci, c'est le Maverick Alive numéro 14. Donc, on va en parler, parce que j'ai fait tout à l'heure le, non, c'était hier, l'événement sur Facebook, hein, pour venir au Maverick Alive numéro 14. Et à cette occasion, on aura le groupe Azen Blues, justement. On aura The Cross Band, qu'on a écouté en début d'émission. On aura aussi le groupe Deep Turtles. Alors, je suis sûr que vous, si vous les connaissez pas, vous allez apprécier. Mais parce si, que... si, tu passes régulièrement, ça ouais. dit quelque chose. Ouais, et c'est un groupe qui reprend des morceaux qui les ont influencés, eux, et comme ils sont jeunes, c'est du rock des années 90. Mm-hmm. Et qu'on a peut-être un petit peu oublié, parce qu'on s'est dit, le rock, on parle plus des années 60, 70, 90, on oublie un petit peu. Pourtant, il y avait des bonnes choses. Hein. On a parlé tout à l'heure de Nirvana, de Smashing Pumpkins, etc. C'est ce style de musique, et puis ils le font très bien. Et on aura en interscène, on aura Chris et Phil. Alors tout le monde me demande qui est Chris et Phil. Alors à l'origine, c'était Chris et Léo qui sont déjà venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est le groupe Barricade. Les deux guitaristes et chanteurs qui font un duo aussi pour aller jouer dans des endroits un peu plus exigus, de genre bar, etc. Et malheureusement, Léo n'était pas disponible ce jour-là. Mais Chris m'a dit, écoute, je vais trouver quelqu'un et on va venir. Donc le groupe se forme pour le Maverick Alive, ce qui est formidable. Et donc il faut pas hésiter à venir. Donc ça sera à l'espace Bérère à la chapelle Saint-Mémin, donc la grande scène, hein. Et il y aura aussi un village disposant, on passera un bon moment, c'est à partir de 19h, donc n'oubliez pas le Maverick Alive numéro 14. D'autres concerts aussi, il y a aussi le Creek Fest. Alors si vous aimez la musique plus musclée, du hard rock, du métal, il y aura le Creek Fest organisé par Creek for Zik. Et il y aura le groupe Benzine, je ne sais pas si vous les connaissez. C'est un nouveau groupe qui envoie bien, c'est super super bien. Il y aura forcément le groupe Prisma, puisqu'ils sont à la fois organisateurs et puis c'est aussi un groupe de musique. Il y aura le groupe Stratagem et le groupe King Crown. Voilà, donc quatre groupes pour un concert. Ça sera le samedi 5 avril 2025, donc un petit peu avant le Maverick Alive. Et ça sera à l'espace Loire à Cléry-Saint-André. Voilà, donc ça c'est des trucs où vous pouvez voir plusieurs groupes sur scène, donc ça vaut vraiment la peine d'y aller. Et puis tout à l'heure, il y a aussi notre ami, alors c'est Francky qui nous envoie, ouais c'est Francky qui nous a envoyé ça, du groupe Samsoul. Il y aura un concert donc la semaine prochaine, c'est le samedi 26 avril à 20h, à partir de 19h, entrée à partir de 19h, le concert commencera à 20h. Et ça sera à la salle François Villon, donc c'est à Saint-Y. Il y aura donc le groupe Samsoul. Alors si vous aimez, ils font des reprises, ça va de Pink Floyd, il y a plein de choses différentes, mais vraiment ils le jouent très très très bien, beaucoup de reprises, beaucoup de morceaux qui ont marqué l'histoire du rock'n'roll. Donc il faudra aller au concert, c'est vraiment important. Et donc samedi 26 avril à partir de 20h, le groupe Samsoul à Saint-Y. Voilà, il y a d'autres concerts, et je vous invite aussi à aller voir la page Mavrika, c'est comment, l'agenda de Mavrika, le nouvel agenda de Mavrika, parce qu'il y avait l'agenda de Mavrika, on a perdu le contrôle, on ne sait pas pourquoi, ça ne marche pas, il n'a pas été piraté, mais il a stagné là, donc on a rouvert un nouveau, c'est le nouvel agenda de Mavrika dans lequel on partage tous les événements, et si vous aussi vous avez des événements, n'hésitez pas à aller les mettre sur cette page là, et comme ça vous saurez, par exemple si vous avez envie de sortir un soir, vous allez là-haut et puis vous regardez ce qui se passe dans la région orléanaise et même un peu plus loin, au niveau des concerts. Voilà. On a tout dit, je pense que c'est bon. Tu veux rappeler les dates de Narcose? On va les rajouter. Ouais. Justement, il y en a une qui rentre un peu en collision avec le Maverick Alive, donc c'est Vierzon. Au Café Berry, 19 avril. Il va falloir choisir, voilà. On peut pas être partout. Ensuite, on a le 1er mai, sur la place du 18 octobre, à Châteaudun, donc le matin. On joue pour la fête du travail, et c'est avec la FSU et la CGT. Ensuite on a le 17 mai, on joue avec les bikers pour au Gossany. On a a donc le 20 septembre à Brou, le 24 août à Thiron-Gardais pour les samedis de l'été, le 17 août à Châteaudun. T'as oublié chez Robert à Bonneval. Chez Robert. Au mois de juin. Ouais, au mois de juin, le 13 juin à Bonneval. Et puis il y a des dates qui vont arriver. De toute façon, on va tout publier. Tout est sur le site, la page Facebook Narcose. On a tout mis. Voilà. Donc on fera un petit point un peu plus tard. Je reprends la page en même temps parce que là j'ai les trucs de mémoire. D'habitude la mémoire fonctionne bien là. Puis, ouais, mais là t'es perturbé là. Pascal il me donne un échange de messages. Non, il y a pas les bonnes dates. Donc je me plante en fait. Je dis le truc, c'est ouais. Des propositions de dates. Donc voilà. Bon, c'est visuel, ça passe pas à la radio normalement. Enfin, on fait passer le téléphone là, puis les dates elles sont pas bonnes. Donc, voilà. C'est le truc, c'est ça qui me fait passer les dates. Donc c'est pour ça que je suis un peu perturbé. Mais je vais reprendre la page et ça sera certainement plus clair la prochaine fois. Très bien. Et puis là, comme on est en train de parler des concerts, justement, pendant qu'on est en train de discuter, on dit voilà justement si vous voulez parler, il y a Chris du Drum, donc Chris le batteur du groupe Sika, je sais pas si vous connaissez le groupe Sika, qui m'envoie justement une petite affiche, donc c'est la Belle Moisson, c'est un concours d'artistes truc en plus, voilà, c'est un jeu de mots je pense. Alors il faut voter en commentaire pour l'artiste préféré, donc il y a plusieurs artistes, il y a Chen Ten Buzz, Sadia, qu'on a reçu, qu'on connaît bien, qu'on a Chet déjà reçu. Chen Buzz, c'est son château, hein. Ouais. D'accord, bah c'est bien, parce que je connaissais pas, mais ouais. Comme ça on en sait un peu plus. Couleur Pomme, Mika Prévite, je sais pas, Duquet et le groupe Sika. Donc il y a un petit truc, je vais le partager sur le Facebook de l'émission Mavrika, comme ça vous pourrez aller voter pour les groupes que vous aimez et que vous connaissez, parce qu'il faut aussi connaître un petit peu les groupes. Et tout à l'heure aussi, il y a une petite chose que j'ai oubliée, c'est que j'avais annoncé plusieurs personnes, donc je tourne les pages. Il y aura aussi le Mavrika Live, hein. Ah voilà, au mois de juin, il y aura aussi notre ami Max de Giovanni qui viendra dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est un artiste qui est déjà venu une première fois et là il revient, ça fait déjà quelques années, parce qu'il a un nouveau travail à nous présenter. Et Max vient de la région de Bordeaux, donc si vous le connaissez ou si vous le connaissez pas, justement ça sera l'occasion de le découvrir sur Radio Arc-en-Ciel le 13 juin, donc Max de Giovanni dans l'émission Mavrika. Voilà. Et après, je crois qu'il y avait aussi quelqu'un d'autre, je vais le retrouver, voilà, que j'avais pas annoncé tout à l'heure. Le 14 mars, nous allons aussi recevoir Luce Tolassi, donc dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, une découverte, une chanteuse, donc que nous allons découvrir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika. Bon, je pense que j'ai oublié personne cette fois-ci. Je vais mettre tout ça à jour et vous pourrez le retrouver sur le Facebook de l'émission Mavrika. Voilà. On va continuer à parler du groupe Narcose, parce que ce sont nos invités. Et puis pour l'instant, on n'a écouté que deux morceaux, dont un seul remixé. Donc là, on va commencer à faire le forcing parce que le temps passe très vite. Hein. On dit 3 heures, ça. C'est long, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Et finalement, on arrive à la fin, on n'a pas dit tout ce qu'on voulait dire. Voilà. Le groupe Narcose, on vient de voir les dates. Et est-ce qu'il y a d'autres projets? Par exemple, des clips vidéo, des enregistrements? Je pense que les enregistrements, oui, ça viendra après. Ouais, c'est surtout des clips vidéo. Quoi. Clips vidéo? Ouais. Vous aimeriez en faire aussi? Oui, mais c'est vrai. Il faut qu'on trouve quelqu'un parce que. Jouer et puis mais en même temps c'est pas évident quoi. C'est vrai ça. On avait envie de mettre un morceau en clip quoi pour faire une promo un peu sympa, mais il est vrai quoi, faut trouver les personnes, le temps aussi, le temps, ça demande. Bah, disons avec tous les concerts qui viennent là. Là, c'est, ouais, vrai, c'est vrai que c'est pas évident. Ils répètent aussi, qui sont régulières, parce que bah, pour assurer devant le public, il faut une répétition, entretenir, entretenir la forme, comme on dit. Hein, donc répéter, travailler. Au passage, Gabi qui a quand même beaucoup beaucoup travaillé, qui s'est beaucoup investi en l'espace de maintenant 8 mois, 9 mois, donc pour une bonne vingtaine de morceaux, entre les compos et les reprises, voilà, c'est quand même beaucoup de travail, puis l'intégration dans le groupe, donc ça demande du temps, de la disponibilité, et il est vrai que bon, bah, nous à côté on travaille aussi, donc j'aurais tellement aimé être musicien professionnel, vivre mais bon, de, ouais, de... Mais, bon, ouais, mais bon, après il y a amateur, il y a des professionnels, c'est ceux qui gagnent de l'argent, ouais. Non, qui... Attention, parce que une fois on m'avait repris là-dessus, on me disait voilà, bon, j'avais dit voilà, le professionnel c'est celui qui gagne de l'argent en faisant son travail. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des gens qui sont professionnels qui ne gagnent pas forcément beaucoup d'argent, mais qui ont les moyens de pouvoir le faire, de vivre, même s'ils vivent pas de ça, de pouvoir gagner de l'argent dessus, quoi. Mmh. Et, voilà. Et après amateur, il peut y a des gens qui peuvent être très bons aussi, excellents, qui passent beaucoup de temps, qui ont la passion et tout ça, sauf qu'ils ont un métier à côté et finalement ils ne vivent pas de ça. Donc la différence est là, mais il y a certains amateurs qui sont meilleurs que certains professionnels, je suppose aussi. Hein. Certainement. Voilà. Certainement. Certainement. Voilà, comme quoi ça enlève rien d'être amateur. Hein. Donc, oui, oui, oui. Puis à l'heure actuelle, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes dans les groupes qui en vivent vraiment. Enfin, je me pose cette question en fait. C'est un peu est-ce que par exemple certains groupes par exemple un groupe français que j'aime beaucoup, Massisteria, est-ce que ils en vivent ou est-ce que à côté ils ont un boulot ou ils font autre chose. Je sais que le guitariste Frédéric Duquesne, il est producteur, il fait autre chose à côté. Hein. Oui, c'est-à-dire que des fois ils sont dans le métier de la musique, voilà, mais ils ne font pas que de la musique. C'est-à-dire que ils font leur musique à eux, mais des fois ils travaillent aussi pour d'autres, voilà, d'autres musiciens, d'autres chanteurs, ou alors ils travaillent dans le milieu, c'est-à-dire qu'ils aident aussi à l'organisation des concerts, des choses comme ça. Ou alors ils donnent des cours simplement. Ce sont des musiciens, oui, ils aussi, ont un bon niveau, ils peuvent aussi donner des cours de guitare ou d'un autre instrument, ou même des chanteurs, hein, d'apprendre à d'autres personnes à chanter, etc. Donc souvent, ils ont... Moi, je connais quelques-uns qui sont professionnels comme ça. Ils ont plusieurs cordes. Oui, ils sont musiciens, effectivement, mais ils vivent pas que des disques qu'ils vendent et des concerts qu'ils font. Ils font aussi des petites choses à côté, comme professeurs ou alors ils travaillent techniciens pour d'autres. Parce que souvent, aujourd'hui, les musiciens sont aussi techniciens. Donc, voilà. Et vivre de la musique aujourd'hui, c'est peut-être pas évident. Certains en vivent très bien, hein. Et d'autres, ils rament toute leur vie. Il y a des smicards, hein. voilà. Ça, c'est un peu comme on dit, ouais, footballeurs, tous ceux qui jouent au football sont pas milliardaires, et pas millionnaires, il y en a. Mais c'est une minorité, et je crois que dans la musique, c'est pareil. Ah, il y en a. Oui, certainement, puis même, la musique a la façon, dont la musique, j'aime pas le mot consommer, parce que j'ai pas d'équivalent, mais écouter, ça a beaucoup changé. Il y a une révolution en l'espace de 20 ans où, mais là, c'est encore plus rapide avec le système streaming. On en parlait tout à l'heure avant. Hein, c'est le format CD est un format obsolète. Nous, on l'a vu avec notre album. C'est quelque chose qui est obsolète, quoi. Mis à part peut-être des passionnés comme moi qui vont encore acheter des CD dans certains styles de musique précis, comme par exemple le rock, je pense qu'il y a encore des acheteurs de CD ou vinyle aussi. Vinyle, alors le vinyle qui a fait son retour et qui aujourd'hui est redevenu une référence. Ouais. Je comprends pas pourquoi, mais technologiquement, je comprends pas pourquoi. Mais bon, après, ça sera un vaste débat. Ah bah, y a aussi, là, j'ai entendu dernièrement, tiens, que les cassettes revenaient aussi. Il y a des groupes qui sortent des cassettes. Alors là, je comprends encore moins pourquoi. Alors, il disait quel est l'avantage. Il disait justement, parce qu'il y a une personne qui a ouvert un magasin, je sais plus où, à quel endroit. C'est-à-dire qu'il avait dans sa voiture, il avait une vieille voiture. Et dans la vieille voiture, il y avait forcément un vieux... lecteurs de cassettes, autoradio cassettes, et donc ils pouvaient écouter que des cassettes, ou alors sinon ils écoutaient la radio, mais si vous voulez écouter la musique à eux, donc ils avaient acheté des cassettes et ils se sont rendus compte que ouais, c'était pas mal, ils s'étaient habitués à cette technologie, et ils ont ouvert un magasin où on peut acheter des cassettes. La plupart sont d'occasion, mais ce qu'on peut voir, c'est que on leur a demandé mais quel est l'avantage, il n'y a pas d'avantage, mais en même temps c'est on aime aussi les défauts de certaines choses, de certains supports. Donc le vinyle, moi j'ai connu le vinyle. Le vinyle, c'est extrêmement fragile. Hein. Un vinyle, il faut le nettoyer. Il y a la poussière qui se colle dessus. Au bout d'un moment, quand on les passe beaucoup de fois, bah ça craque. Là, à chaque fois qu'on dépose le diamant, bah on donne un petit impact et on va l'entendre, ce petit craquement et tout ça. Mais c'est aussi ce qui fait le charme du vinyle. Après, c'est voilà, c'est et la cassette. Je me souviens les cassettes aussi. À une époque, c'était le seul support dans lequel on pouvait enregistrer. Donc la cassette, oui, ou alors le magnétophone à bande, mais c'était pour les gens qui avaient les moyens. La cassette, c'est quand même quelque chose de formidable. Et moi, je sais qu'à une certaine époque, j'avais ça. Cassette métal. Métal, oui, chrome, voilà, qui avait un son quand même supérieur à la ferro. Oui. Ouais, pour ceux qui connaissent, étant donné que il y avait aussi les différents Dolby qui nous permettaient d'effacer ce souffle-là, parce que le défaut des bandes, c'était le souffle. Et aussi, ça se démagnétisait, donc il fallait pas les poser sur les enceintes, sinon, ça s'effaçait. Et quand ça tournait, il y avait une partie effacée, une partie qui n'était pas. Ça faisait, ça montait, ça descendait, puis ça vieillit dans le temps et aussi, ça se démagnétise. On nettoyait les têtes aussi avec un coton-tige qu'on trempait dans les terres. Ouais, voilà, il y avait plein de choses. Mais à l'époque, mais moi, j'étais surpris parce qu'il y a quelque temps, j'ai restauré un vieux magnétophone, je vais pas citer la marque, mais c'était le top à l'époque, tout en bois qui pèse plusieurs kilos, et j'ai mis une cassette dedans que j'avais enregistrée dans les années 80 qui était en une bonne qualité, que j'avais enregistrée dans des bonnes conditions, et quand je l'ai mis, j'ai dit, ma femme était venue dans le studio et elle m'a dit, le son là il te plaît, elle dit ouais il est très bien, il n'y a pas de défaut, il n'y a rien de... Non, il est très bien, il est impeccable, là, tout ça. Je dis, c'est une cassette que tu écoutais. Donc, elle était elle-même surprise de la qualité. Hein. Donc, voilà. Il fallait mettre plus de moyens pour avoir des bonnes choses. C'est comme les platines disques. Hein. Si on écoutait ça sur un pick-up, le son était un petit peu pourri. Si on voulait une belle platine, ça coûtait très, très cher aussi. Ben donc, un bon diamant, une bonne cellule, un bon pré-ampli, un bon ampli, tout ça, ça a son importance. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la possibilité d'avoir une qualité de son beaucoup plus facilement. Il n'y a pas d'entretien. Hein. Par exemple, si on a un fichier sur un disque dur ou un CD, où on l'entend, où il marche ou il marche pas. Mais il n'y a plus de souffle, il n'y a plus de bruit qui s'additionne. Voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Eh oui, je vous le dis, moi, le poste à galène encore bonjour. L'enceinte connectée, il y a quand même... Pareil, hein, il y a plusieurs qualités hein, quand on défend. Oui, mais... Il y a beaucoup de basses, je trouve, dans les enceintes connectées. Ça fait très basse. Il n'y a pas trop de médium. Aigu, basse, souvent, mais médium, pas trop. Mais ouais, c'est vrai que c'est toute une époque, le vinyle. Moi, je suis génération CD, donc... Pour moi, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs supports. Moi, je suis génération vinyle. À une époque, le seul support pour enregistrer, c'était la cassette. Et la référence, c'était le vinyle, quoi. Acheter le vinyle, c'est le vrai. Et je me souviens même, nous, on attendait d'acheter le vinyle quand il était tout neuf. On l'enregistrait tout de suite pour avoir le son maximum au niveau de la cassette, au niveau de l'enregistrement qu'on faisait, parce qu'on savait très bien que si on l'écoutait plusieurs fois, après, ça y est, il y avait des petits bruits qui s'en rajoutaient. Donc il y avait des gens qui étaient très à cheval là-dessus. Donc on l'enregistrait quand il était tout neuf. Des fois, on allait emprunter aussi des vinyles à la discothèque. Bon, ils étaient passés par toutes les mains, par toutes les platines. Ils avaient un son pourri des fois. Mais bon, c'était quand même la référence. Et puis on enregistrait ça sur des cassettes. Ouais. Donc aujourd'hui, moi j'ai user des cassettes à force de les écouter. qui s'enroulait. Qui s'enroulait. Ouais, j'étais en colère une fois. Non, mais même le son, il foutait le camp. Ouais, le son petit à petit, c'est fou. Moi, j'ai usé Relayeur de Yes comme ça, le premier album de King Crimson. je les ai usés, mais jusqu'au bout. Quoi. Jusqu'à la corde. À la fin, c'était fini, quand on ne pouvait plus rien écouter. Quoi. Très bien, donc c'est bien de parler aussi de ces voilà, ça, on n'écoute plus de la même manière qu'une certaine c'est époque. Vrai, ouais. Aujourd'hui, on conserve moins aussi, parce que on parlait tout à l'heure du CD. C'est vrai que par exemple, moi, il y a des groupes qui m'envoient des morceaux. Les morceaux, je les ai sur mon disque dur, mais dans mon disque dur, il y a des milliers de morceaux. Donc des fois, je retombe pas dessus, puis je les oublie un petit peu. Un CD, on en a beaucoup moins, et des fois, on regarde dans, moi, je regarde dans ma discothèque, ah, tiens, et je ressors le CD. Bah, il y a tout dedans, et donc ça permet de le conserver beaucoup plus longtemps, et on peut le retrouver par hasard, 10 ans, 20 ans après. Et il marchera aussi bien, quoi. Donc, bon, c'est une manière différente, quoi. C'est... Oui, oui, oui. C'est moins, on va dire, c'est vrai que, alors c'est bien, les plateformes de streaming, ça permet de découvrir de la musique qu'on pourrait pas découvrir avec le CD, c'est-à-dire d'aller dans un magasin pour acheter un disque. J'ai connu ça à l'époque où on allait dans le magasin de disques, on écoutait. Là, on clique, on peut dire tiens, ça c'est, oh, ben, c'est pas mal, ça me plaît bien. Mais ouais, moi j'aime bien avoir le, justement, comme toi, Bino, j'aime bien avoir l'objet, l'objet, le retrouver, ouais, et des fois refaire des belles découvertes. Le week-end dernier, je suis tombé sur un album de Fear Factory, tiens. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté. J'ai dit, waouh, il est bien cet album. Comme ça, par hasard, tu sais, j'ai regardé, mais c'est juste que je vais écouter quoi aujourd'hui. Puis j'ai ressorti le truc. Puis j'ai dit, waouh, c'était vraiment bien, quoi, à l'époque, 99. J'ai dit, c'est ça aussi, c'est ce côté-là. Je trouve que c'est charmant, quoi, ça garde son charme. Voilà. Mm-hmm. Ouais, tout à fait. Donc voilà, il y a plusieurs manières d'écouter et suivant l'humeur aussi. Moi, je sais que je vais beaucoup sur internet, je fouille beaucoup, le numérique aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous permet. Aujourd'hui, on a des applications, on écoute un truc n'importe où, hein. On a l'application, on tape sur le téléphone, on a le titre, on le télécharge, on l'a sur le moment, on l'a. À l'époque, on écoutait la radio, déjà il fallait que le commentateur l'annonce, sinon on savait pas ce que c'était. Donc on attendait que le commentateur dise voilà, c'est tel groupe, tel truc, on le notait. Et puis après, on allait dans le magasin de disques pour dire voilà, on jouerait ce morceau-là. Et souvent, il l'avait pas, il fallait le commander. Et puis avoir fait des économies. ouais aussi. Et quand on le recevait 3 semaines après, on était content. On rentrait à la maison avec le disque en disant ça y est, enfin je l'ai, je l'avais commandé, ça y est. C'est une fierté aussi. Une fierté. Aujourd'hui, on l'a dans l'instant, quoi. Mm-hmm. Un truc qui sort aux États-Unis, aujourd'hui, on l'a tout de suite. À l'époque, non, il y avait les imports. On regardait les importations et puis après le pressage européen qui était différent de pressage américain ou anglais ou ceci, cela. Donc il y avait tous ces petits trucs. Aujourd'hui, bon, avant, on était content d'avoir notre vinyle. On l'avait mérité. Aujourd'hui, bon, c'est tellement facile que. Mais bon, il faut pas les jeter, les vinyles. Hein. Non. Voilà. Et les CD non plus. Et si vous avez des cassettes, moi-même, les cassettes, je les jette pas, je les essaye encore. Moi j'en ai encore. Moi. Ouais. J'ai encore des cassettes, mais j'ai plus de lecteurs par contre. Ouais, ça devient rare les lecteurs. Mais il paraît qu'il y a des fabricants qui en refont maintenant. Hein. Ah oui. Il y en a même certains qui permettent de numériser aussitôt. Ça commence à. Ouais, ça revient un petit peu parce que les cassettes reviennent. Et puis il y a certains groupes, j'ai vu certains groupes qui ont refait. Je sais pas si c'est pas Indochine qui a refait un truc en. J'ai vu, tiens, en cassette. Je dis bah oui, apparemment ils vendent des morceaux récents en cassette. Voilà. Très bien. On écoute un peu de musique parce que là on papote beaucoup et puis c'est quand même bien de parler du groupe Narcos. Hein. Je pense que c'est pour ça que vous êtes venu. Donc on va écouter justement avec toute la modernité et tout ça. Il y a plein de choses qui sont fabriquées en Chine. On va peut-être parler de ce sujet-là. Donc même derrière l'ampli, il y a écrit ça. C'est incroyable, ils écrit ça partout. Hein. Ouais. Donc c'est le titre Made in China et interprété par le groupe Narcos qu'on va écouter tout de suite. C'est parti. Ok, c'est parti. We'll be right back. star. Mais il était estampillé made in China. Je regarde Jackie Chan sur mon écran plat. Tout un géant flash s'y venait de là-bas. Avec un peu de chance, il est made in Korea. Mais je me trompe, il est bien made in China. Made in China. Leur liberté ne s'achète pas. La pollution. Je rentre chez moi. Mon mec s'était déguisé en geisha. Il s'est mis à me parler le pékinois. Et là sur sa nuque tatoué made in China. Le loup, mais en mouvement perpétuel. Elle ne pourra oublier la magie qui opère, cette fumée qui flotte dans l'atmosphère, un sourire sur vos lèvres, les baisers qui se perdent, libérez-les sur un bon naya, naya. On donne sa one shot comme à l'ancienne. Il n'y aura pas le doute. La vie se souviendra de nous. Collez un peu de nous-mêmes. Il n'y aura pas le doute. La vie se souviendra de nous. Collez un peu de nous-mêmes. C'est tout ce que ça nous coûte. J'aime quand tu décolles. Tu me pousses à smiler. Je pense à comme du sur, c'est de me laisser chanter plus que parler. Ma voix esquive les rafales de liesse populaire. De la ville à la campagne, on se met la tête à l'envers. J'aime quand tu déconnes, les stressés décompressent. Plus personne ne s'étonne qu'il y ait autant de volontaires qui enterrent les vieux codes, l'égoïsme du solitaire, en proie du monopole. Il n'y aura pas le doux. La vie se souviendra. Donnez un peu de nous-mêmes, il n'y aura pas le doute. La vie se souviendra de nous. Donnez un peu de nous-mêmes, c'est tout ce que ça nous coûte. La nuit se souviendra encore de vous. Donner un peu de soi-même, c'est tout ce que ça peut. C'est tout ce que ça peut. La vie se souviendra. plaît pas, alors tu jazz solo. On a écouté plusieurs morceaux à la suite. On a écouté d'abord Narcos avec Made in China. On a écouté Max Livio qui sera notre invité la semaine prochaine. Donc par téléphone, il ne sera pas dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, mais nous aurons une interview. Donc j'ai rencontré il y a quelques temps et puis on a discuté un petit peu. Donc il a des morceaux à nous présenter. Et le petit souci, c'est que j'ai passé un morceau que j'avais déjà sous la main depuis quelques temps. Pourquoi ? Parce que sa chaîne YouTube a été piratée depuis 48 heures. Donc il est un petit peu embêté. Il est en train de remettre tout ça d'aplomb et puis je pense qu'il sera prêt pour la semaine prochaine. En attendant, on a écouté un morceau qui s'appelle Lani se souviendra et à l'instant on vient de réécouter Narcos mais avec une autre voix, tiens, ça s'appelle Bordel Blues et d'ailleurs on va demander à Narcos de nous parler de ce morceau. On peut en parler. La musique, moi j'ai fait la musique mais Pascal j'ai fait le texte. Tu fais le texte hein, sur celle-là. Mais en fait, c'est complètement imaginé. Hein. Disons qu'au départ, j'ai pris mon inspiration. Elle est venue à la fin du 19e siècle. Il y avait toute la haute société de Paris, surtout les hommes. Ils allaient chez Madame Claude, quoi. Et puis le champagne qui coulait à flot. Puis, oui. Mais j'ai retransposé ça à maintenant, quoi. D'accord. Je pense qu'il doit y avoir certaines personnes qui vivent encore ce genre de truc là. Il y a pas de. Alors, c'est l'histoire d'un célibataire qui a été passé une soirée dans un claque. Il revient, il est complètement sous. Sur le chemin du retour, il se remémore tout ce qu'il a fait dans la soirée. Je décris aussi l'ambiance du moment, quoi, dans les rues. J'ai imaginé ça dans les rues de Paris, quoi, avec les voitures, la pluie qui tombe, tout. Et puis il arrive chez lui, il est comme il est célibataire, il va pas y avoir Babonne qui va m'engueuler quand je vais rentrer à la maison, quoi, c'est ça, quoi. Il y a certains avantages quand même. Voilà. Il y a deux trois inconvénients. Voilà, mais bon. C'est complètement imaginé, quoi. Très bien. Et en plus, en faire un blues, c'est impeccable. En plus, quoi. Dans mon imagination, je voyais ça un peu comme une bande dessinée, un peu. D'accord, très bien. Donc c'est un scénario qui a trotté dans ta tête et tu as écrit ce morceau-là. Ouais. Super en tout cas. Et puis ça va bien pour un blues. Je trouve ça sonne super bien pour un blues en tout cas. Très bien. Donc on a encore d'autres morceaux à écouter du groupe Narcos, hein, des nouveaux enregistrements qui ont été faits. Tout à l'heure on a parlé pas mal de choses. Hein. Mm-hmm. On a parlé aussi vous interprétez des morceaux lorsque vous êtes en concert, des morceaux des reprises. Oui. C'est des reprises de qui, par exemple? C'est un spectre assez large. Ça va des Purple en passant par les Beatles. C'est des versions un peu à notre sauce. Hein. Par exemple, Eleanor Rigby, on l'a fait version, on va dire, plutôt hard rock. Quand Gabi est arrivée, elle nous a proposé aussi du Creedence. Ouais, voilà. Fortunate Son. Tu peux peut-être en parler. Pourquoi ce morceau-là? Parce que c'est un morceau que moi j'aime beaucoup. C'est mon père qui m'a proposé d'ailleurs. D'accord. Il m'a dit que ça pourrait d'ailleurs beaucoup en rappeler justement de la reprise de Johnny qu'il a fait. et que justement il y en a beaucoup qui vont dire ah mais ça je connais l'air, et du coup qui connaissent pas forcément la version originale mais la version de Johnny qui peut peut-être fils de personne, ouais c'est ça, qui peut du coup peut-être les faire avoir envie d'écouter la version originale, notre version aussi du coup. Et puis moi c'est un morceau que j'adore, que j'aime beaucoup chanter aussi, donc ça va dans l'esprit du groupe, donc pourquoi pas quoi. Très bien, donc voilà, ça c'est des morceaux, c'est vrai c'est des standards, tout le monde les connaît, voilà, mais des fois on dit où est-ce que j'ai entendu ça, et il y a une chose qui nous a bien aidé, c'était l'époque du yéyé où tous les chanteurs français reprenaient les chansons américaines. Il y avait beaucoup de, d'interprétations françaises. Mais quelque part l'air, il l'avait piqué aux États-Unis, et quand on a découvert les versions originales, on s'est dit ouais c'était bien aussi quoi. Et finalement on a oublié un petit peu les versions yéyé, mais on a gardé les vraies versions qui étaient originales quoi. Ouais, et on aime bien aussi faire un petit peu les seconds couteaux de la musique rock, c'est-à-dire que par exemple quand on va en aller dans les concerts, quand on a commencé à faire de la musique, enfin moi quand j'ai commencé à faire de la musique, je voyais les autres groupes jouer, on avait toujours droit à Zombie de Cranberries ou un truc comme ça, et j'ai dit non. Alors, en plus que l'album No Need to Argue est super génial de Cranberries, et c'est la seule chanson de l'album qui est, va dire, très rock. Après tout le reste c'est plutôt une sorte de pop irlandais, c'est plutôt assez doux même d'ailleurs les morceaux de cet album là, et on s'est dit mais on n'a pas forcément envie de faire des reprises que tout le monde fait, alors c'est un peu risqué, on a été obligé de plier, de faire du AC/DC par exemple, c'est un groupe que je suis pas j'aime bien le hard rock, mais AC/DC je sais pas pourquoi, je suis pas un grand fan, mais après on fait Smoke on the Water, on fait aussi le Seven Nation Army, hein, ça marche très bien ça, mais on va jouer du Bowie, on va jouer des choses peut-être un peu moins connues, les Kings, ouais les Kings, bon c'est un standard, mais on va jouer du Klaus Hempler, un chanteur danois, The Ride Upon the Storm, c'est donc c'est une chanson qui était le générique d'une série qui s'appelait Au nom du père sur Arte, les Handsome Family aussi, qui est aussi une générique d'une série qui s'appelle True Detective. Il y a beaucoup de morceaux comme ça qui sont restés des standards, et pourtant le groupe est éphémère, donc ils avaient sorti un succès, ça avait marché, et puis après on l'a oublié, et finalement le morceau par contre lui est resté, il est toujours là. Donc voilà, c'est des morceaux comme ça que des fois on se pose des questions, puis des fois on a envie de réécouter la version originale justement. Ça permet aux gens d'aller découvrir, de dire ouais mais ça je connais, c'était quoi, et puis ah ouais c'était ça finalement, ouais c'était un bon moment, parce qu'il y a des bonnes choses à toutes les époques, il y a des bonnes choses. C'est bien de les faire redécouvrir et ne pas oublier justement tous ces grands morceaux. Et remettre à la sauce Narcos en plus. Bah oui c'est ça, c'est interprété à la sauce Narcos, donc on prend des libertés. Le U2 c'est pareil, on fait un morceau New Year's Day de U2 qui est assez différent, qu'on le fait un peu très planant. On fait un peu une version plus planante que la version originale. Par contre, à notre gré, c'est qu'on avait repris Freak Show de Pendragon. On adore ce morceau là. Bon, on a laissé tomber parce que le public est pas du tout réceptif sur ce morceau-là. Pourtant, Dieu sait s'il est beau, quoi. C'est un super morceau d'un groupe de rock progressif anglais, et en fait, il est génial. Mais quand on le joue, à chaque fois, ça marche pas. Donc, malheureusement. Il faut se tenir compte aussi parce qu'il y a des morceaux. Par exemple, tous les groupes ont des morceaux comme ça. Ils savent que le public va réagir. Et à force de jouer, les musiciens, des fois, ils en ont un peu marre, mais disent, bon, c'est comme, là, j'ai été voir la semaine dernière, si j'étais pas à l'émission, c'est que j'ai été voir un groupe que vous connaissez forcément, qui s'appelle Indochine. Et s'il n'y a pas l'aventurier à un concert d'Indochine, voilà. Eux, peut-être, ils en ont un peu marre de jouer ce morceau-là. Je sais pas, hein. Je suppose. Mais, voilà, c'est comme, comment il s'appelait, son nom ne va pas me revenir forcément, qui chantait Cargo de nuit, c'était Axel Bauer. Voilà. Bah, lui, il a dit Cargo de nuit, j'en ai plus que ras-le-bol. Je l'ai entendu une fois dire, voilà, mais si je le joue pas à un de mes concerts, bah, les gens disent, moi j'ai plein d'autres morceaux que j'aime beaucoup, mais Cargo de nuit, c'est pas, j'ai trop joué, j'en ai un peu marre, quoi. Et ainsi de suite. Je crois que tous les groupes et tous les artistes ont des morceaux comme ça. Qui les joue pour le public, parce que le public est réceptif, mais forcément, c'est pas forcément le morceau qu'ils aiment le plus, quoi. Il y a eu un artiste qui s'appelait Gauthier, je sais pas si Somebody That You Used to Know, et le mec, il a fait un super morceau, Et apparemment, il est parti en vrille parce que j'ai vu un truc là-dessus. Tout le monde demandait ce morceau-là, alors qu'il voilà. Il avait plein d'autres shows, plein d'autres bons morceaux. Et quand il faisait des concerts, on disait non, non, faut jouer ça. Et à la fin, le mec, il a. Ça, j'avais entendu parler de ça. Et d'ailleurs, il s'est remis à chanter avec un autre nom, d'ailleurs, pour pas qu'on lui redemande le truc. C'est-à-dire qu'il a, il a aussi beaucoup d'autres chansons qu'il préfère peut-être, mais qui n'ont pas eu le rencontrer le même succès. Hein, voilà. À Kurt Cobain, c'était un peu ça aussi avec Nirvana. Leur succès s'appelle Lasting Spirit. Ils en avaient marre de le jouer à la fin, quoi. À chaque fois quand ils allaient quelque part, c'est pour ça qu'ils s'amusaient à le détruire un peu pendant les concerts, ce morceau-là. Mais ça, bon. Ouais. Après, il y a une façon aussi, ils peuvent le faire évoluer et puis le jouer complètement différemment de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Mais bon, après, c'est vrai que bon. Mais ça nous, reste on a le même morceau. Là, nous, on aime toutes les chansons qu'on fait. Nous. Ouais. C'est vrai. Ouais. Très bien, donc vous êtes capable d'interpréter pas mal de de jouer plus pas mal d'interprètes différents et vous pouvez tenir sur scène combien de temps avec en live 2h30 2h30 2h30 c'est déjà un bon concert hein. Ouais 2h30 sans les rappels. On met le disons que quand il y a des rappels, comment on a fait tout le programme, on ne sait plus trop quoi. Après, vous refaites les morceaux. On en fait quelques-uns. Maintenant, si on en regarde une sous le coude, on joue Louis Louis maintenant. Standard Louis Louis. Standard du rock. D'accord. Ouais, la version hip-hop. Motorhead aussi, il avait reprise ce morceau-là, standard, trois accords, truc qui marche très très bien. Donc voilà, on fait ça. Voilà, des fois la simplicité marche très bien aussi, hein, parce que des fois je vois des musiciens, des virtuoses qui font des trucs pas possibles, mais le public suit pas forcément, quoi. Après, ça c'est un truc pour les musiciens. Les musiciens apprécient parce qu'ils disent oh les gens, il est fort, tout ça. Mais les gens qui écoutent comme ça, ils disent c'est pas forcément très mélodique, pas forcément, mais ils ont la technique. Et inversement, il y en a certains qui ont des trucs avec trois notes, mais ils le font tellement bien. Ça marche bien. Hein. D'ailleurs. À propos de Nirvana, une fois j'ai vu un truc là-dessus, ce qu'il faisait, il faisait trois accords ou quatre accords, mais du début à la fin, il les faisait pas de la même manière, il les faisait évoluer, il les jouait gratter de la même. Et ce qui faisait que c'était vivant, alors que c'était simple à jouer, mais il avait tout son esprit derrière qui faisait que ça fonctionnait, quoi. Des fois on est surpris. Ben justement, Gauthier, là, on parlait, je sais plus, j'avais regardé une fois, je sais pas, il y a trois accords, quoi. Il fait tourner 3-4 accords sans son morceau. Il y a des trucs, quand on étudie bien, il y a des. C'est efficace. C'est efficace, voilà. C'est ce qui compte, hein. On disait, par exemple, les joueurs de blues qui n'avaient jamais pris de cours, qui avaient trois accords, mais qui chantaient dessus, ils mettaient leur voix, ils mettaient tout leur âme. Et ils ont fait des standards avec des trucs qui étaient très simples. C'était des musiciens qui avaient appris comme ça en regardant les autres, hein. Et en jouant. Voilà, c'est comme ça que. Et puis aujourd'hui, il y a des morceaux qui viennent de là et qui sont des références, hein, comme quoi. Voilà. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, on a écouté tout à l'heure aussi Made in China. Voilà, c'est un petit coup de gueule contre les. Voilà, parce qu'aujourd'hui, tout est fabriqué là-bas, quoi. Ouais. Ce qui est un petit peu dommage. Ce qui est un petit peu dommage pour l'industrie française et européenne, comme on pourrait dire aussi. Et puis même des fois, on est surpris parce que, par exemple, l'ampli qu'on croyait qu'il est avec une marque américaine, on croit que c'est fait là-bas. Et puis non, c'est fabriqué en Chine aussi. Bah, et on peut dire la même chose pour des marques françaises. Hein, il faut le savoir. Hein, j'ai acheté des trucs avec des marques françaises parce que je me suis dit non, quand même. Eh ben non, c'est fabriqué en Chine quand même. Hein. Ou alors, même si c'est assemblé en France, les composants viennent de toute manière de là-bas. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis en plus, c'était à une époque où le morceau était écrit, où il y avait... c'est fin des années 2000. C'est à l'époque aussi, on nous rabattait les oreilles avec la Chine, qui est devenue un peu l'usine du monde. Mais ce qui me gênait un petit peu, c'était ce côté où on montrait toutes ces usines où les gens étaient quand même hyper exploités et comme si c'était un modèle à suivre, quoi. C'est comme si c'était vraiment hyper génial. Et ça m'énervait encore plus que le Made in China, parce que qu'ils soient fabriqués en Chine, ça ne me gêne pas. Quoi. Mais dans quelles conditions, voilà, conditions. Voilà, c'est à l'époque où à Foxconn, les gens fabriquent des téléphones portables, les gens sautaient par la fenêtre. Quoi, et bien, quand tu dis à l'époque, mais aujourd'hui. Ça a changé quand même. Oui, un peu. Ça a quand même pas mal changé. C'est pas l'idéal, mais ça a quand même pas mal changé, la Chine. Alors, mais c'est vrai que c'était surtout cette propagande derrière, un peu dire oh, regardez, c'est génial là-bas, ils bossent, hein, ils bossent jusqu'à crever. Il faut quand même le respect des gens qui travaillent. Et puis, si en France les choses coûtent beaucoup plus cher, en France ou en Europe, hein, c'est parce qu'il y a aussi une sécurité sociale, il y a aussi des couvertures, il y a pas mal de choses, la retraite, il y a toutes ces choses à payer. Et puis, les conditions de travail aussi. On travaille pas comme en Chine, hein, on est obligé d'avoir des équipements spéciaux, on doit se protéger de telle ou telle chose. Il y a eu pas mal de scandales, justement, dans les industries où les gens, ils ont été contaminés par telle ou telle chose parce qu'ils n'étaient pas équipés. Aujourd'hui, il faut quand même faire plus attention, mais ça coûte de l'argent. Ça coûte très cher. Ouais, l'exemple, c'est des exosquelettes là, pour faciliter la tâche des gens qui portent des charges lourdes et tout ça, mais ça coûte très cher tout ça. J'en vois pas beaucoup pour le moment. Moi, j'ai vu des choses où justement c'était des gens qui s'esquintaient le dos en chargeant des choses et tout ça, et ils ont été complètement remplacés par des robots simplement. Ils sont pas passés par des exosquelettes. Non. C'est des robots qui font leur travail. Et puis aujourd'hui, un robot il fait le travail de trois gars comme ça. Et en même temps, le gars, il arrivait pas à la retraite, qu'il était déjà cassé. Donc, ce qui est un petit peu dommage. Hein. Alors, c'est bien de vivre plus longtemps, mais si c'est pour arriver à la retraite complètement cassé, c'est pas la peine. Hein. Voilà. Donc, et puis quand on pense à ces Chinois ou dans d'autres pays, hein, il faut le savoir aussi. On exploite pas mal de gens comme ça, et puis qui ne profiteront jamais de la vie, quoi. Bah, c'est surtout ça. Ouais. On est d'accord. Voilà, il faut que le progrès ne vaut que s'il est partagé. Ça, c'est une phrase que j'aimais beaucoup, moi. Et c'est vrai que malheureusement, on va pas vraiment dans ce sens-là, j'ai l'impression. Bah oui, si on est sur Terre, on est quand même c'est assez éphémère, quoi. Et ça passe vite. S'il faut passer toute sa vie à s'esquinter. Voilà, on va faire de la philo un soir. Non, mais on a l'habitude dans l'émission Mavrika, j'aime bien de temps en temps. On parle un peu de philosophes qui travaillent sur cette question-là, mais c'est vrai. Mais aussi, et dans les paroles des chansons, il y a des choses comme ça qui ressortent. Voilà, c'est des petits coups de gueule, c'est simplement des constatations, ou alors on a envie aussi de dénoncer certaines choses. Voilà, ça se passe comme ça, il faut être conscient, quoi. Il faut le dire. Voilà. Très bien en tout cas pour vos morceaux, et puis il nous en reste encore pas mal à écouter. D'ailleurs, j'ai calé juste après un morceau qui s'appelle de Derry à Belfast. On parlait tout à l'heure des cranberries. Donc voilà, on va aller faire un petit tour de ce côté-là. Alors cette fois-ci, c'est Gabi qui interprète. Oui, hein. Tout à fait. Voilà, on va écouter sa voix tout de suite avec le groupe Narcose de Derry à Belfast. Thank you. Voilà, on a écouté deux morceaux à la suite, deux morceaux de Narcose, et comme ça on est dans les temps, hein, puisque l'émission se termine à 22h, et il nous reste encore un morceau à écouter, donc voilà, on a bien réparti la musique. Donc le groupe Narcose, qui est notre invité de cette émission numéro 628, hein, donc j'espère que le numéro va vous porter bonheur pour l'avenir. L'émission numéro 627, la cherchez pas, c'est une émission fantôme, elle n'existe pas. J'avais bien fait l'affiche, mais elle n'a pas été diffusée la semaine dernière, mais il n'y a pas de souci, hein, c'est pas grave. On est là pour se rattraper aujourd'hui avec le groupe Narcose, avec un groupe en direct live. La semaine prochaine, ça sera Max Livio que nous aurons au téléphone. Et la semaine suivante, ça sera le 7 mars, nous aurons le groupe La Jarry qui sera dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et d'ailleurs, j'ai vu ça tout à l'heure. Donc La Jarry sera en concert le dimanche 2 mars. Hein, donc le rock'n'roll, souvent c'est le soir, mais là c'est en plein après-midi, donc à 15h. Ça sera pour l'Orléans Tattoo Show à Orléans, au Comet. Donc le groupe La Jarry en concert. Donc si vous ne savez jamais vu ce groupe-là, il faut aller les voir à chaque fois. C'est un super moment qu'on passe à les voir. Voilà, ça fait partie des groupes qu'on aime beaucoup aller voir. Mais c'est pas les seuls. Il y en a beaucoup sur Orléans, et les meilleurs groupes passent dans l'émission Mavrica. C'est pour ça que Narcose est là ce soir. Voilà, voilà. C'est simple. Hein, tout se rejoint finalement. Hein. Ouais. Voilà. Donc on a écouté deux morceaux à la suite de Narcose. Alors il y en a que j'ai du mal à annoncer, donc vous allez le faire à ma place. Alors le morceau qu'on vient d'écouter, c'est Roar Charge Vision. Roar Charge, ah. Ouais. Voilà. Ah ouais, il y a Vision derrière. Ouais, Vision, ouais, c'est pas l'arbre. Roar Charge Vision. Ouais. Ouais. Les visions de Roar Charge. Ouais. D'accord, ok, on va faire comme ça. Je vais le rajouter. Hein, parce que je rappelle que justement, il y a tout le programme de l'émission sur le Facebook de l'émission Mavrica. N'hésitez pas à aller voir. Et vous avez tous les titres, justement. Donc si je fais une petite erreur, il faut me le dire, je rectifie, il n'y a pas de souci. Je voulais aussi en profiter pour faire un petit coucou à notre ami Florent. Florent, c'est un auditeur qui nous écoute à chaque émission et qui enregistre les émissions pour faire le podcast. Donc on fait un petit coucou à Florent et on le remercie pour tout le travail qu'il fait. Donc à chaque fois que, bon, quand je suis pas dans les studios, c'est une playlist, bon, c'est pas bien grave, mais quand il y a des musiciens, il enregistre les émissions, comme ça vous pouvez la réécouter, cette émission, si vous l'avez loupée, ou si elle vous a plu, vous avez envie de la réécouter dans un an, dans deux ans, ben voilà, grâce à Florent, vous pouvez la réécouter et même la télécharger si vous voulez la conserver, il n'y a pas de souci. Merci, voilà. Florent. Merci Florent. Voilà. D'autres choses, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Ah ouais, le temps passe très très vite. Hein. 3 heures finalement, ça passe trop vite. Hein. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, qu'on aurait un sujet qu'on n'aurait pas abordé? Non, on a déjà. On a tellement parlé. Oui, on a parlé de musique, ouais, et d'autres choses. Hein, oui, voilà. Ouais. Oui, on est très content d'être là déjà, puis on te remercie pour ton accueil. C'est un plaisir de vous recevoir, hein, voilà. Moi, ça me fait plaisir de voir Narcose juste en dessous d'un groupe que j'aime beaucoup, les Burnheads. Farmageddon, qui est un super bon, très très bon morceau de l'avant-dernier album. Mm-hmm. Et c'est quand même un groupe d'Orléans. Et ils assurent sur scène. Ils ont tourné dans le monde entier, hein, franchement. Ouais, je suis allé les voir la semaine, enfin, il y a une semaine et demie, là, 15 jours. ils ont une patate d'enfer. Et le dernier album est excellent. Après, ils nous ont fait un rappel avec les morceaux plutôt reggae, Police Helicopter, Opposite 2. Le côté Opposite, franchement, ils nous ont gâtés. Ouais. Et puis, un son, l'Astrolabe, c'était super, super chouette. C'est une salle qui sonne bien. C'est vrai qu'il y a des salles dans lesquelles on prend beaucoup plus de plaisir que dans d'autres, on va dire ça comme ça. Et il y en a certaines qui sont vraiment traitées pour avoir une bonne qualité de sonore. Donc, quand on va avoir des groupes dans ces conditions-là, c'est beaucoup plus agréable. Et moi, j'aime bien écouter fort, hein. Mais il ne faut pas que ça m'agresse les oreilles. Et des fois, c'est très très fort, et on enlève les bouchons, et on a pas mal aux oreilles. C'était le cas. Et d'autres fois, par contre, c'est moins fort, mais c'est tellement... C'est bruyant. Ça irrite, ça... Bon, après, voilà, les salles ne sont pas toujours faciles à traiter, puis on n'a pas toujours la chance d'avoir le meilleur matériel. Il y en a certains qui l'ont, d'autres qui l'ont moins, ce qui n'empêche qu'ils ont quand même du talent, donc il faut aller voir les groupes, ça c'est important. Je suis d'accord. Voilà. Et se protéger si vraiment on voit que, bon, on risque d'avoir mal aux oreilles, on met les bouchons, et puis c'est tout. Ça sera un peu moins fort, et puis c'est tout. Très bien. Donc, les Burning Head, un groupe que nous, on a reçu deux fois les Burning Head, mais on a eu que Jean-Benoît qui est venu. À chaque fois, on a du mal à les avoir tous. Donc, s'ils nous écoutent, depuis le temps qu'on passe leurs morceaux, il faut savoir aussi que le générique de l'émission Maverica, c'est Midnight Dub, c'est un morceau des Burning Head. Et s'ils ont envie de venir tous ensemble, ça me fait vraiment plaisir. Surtout que là, il y a eu des changements. Le chanteur Pete est parti. Fra, qui le remplace, qui est super. Quoi. Franchement, il assure bien. Et voilà, longue vie au groupe Burning Head. Voilà, ça c'est une chose qu'on peut dire. Il y a d'autres groupes aussi que vous appréciez énormément dans la région. La Jarry, c'est bien. Moi, j'ai vu deux fois, je pense, en concert, c'est bien, c'est pas mal. Ouais. Après, sur la région, je connais pas beaucoup là, dans la région. Malheureusement, il y a certainement de très bons groupes, mais. C'est pas évident de se faire connaître. Donc voilà, il faut s'y tourner, il faut aussi enregistrer, il faut aussi. Heureusement, l'émission Maverica est là pour ça, pour faire parler un petit peu des gens qui sont un petit peu oubliés, qu'on n'écoute pas dans les autres radios, ce qui est bien dommage. Donc on est là pour aussi les faire découvrir. Et puis il y a des artistes voilà qui font de la musique un petit peu plus commerciale, qui arrivent à se diffuser dans d'autres radios. Mais il y a aussi, il faut pas oublier tous les mouvements, le punk et tout ça qui pratiquement aujourd'hui ils passent pas vraiment dans les autres radios. Et nous sur Radio Arc-en-Ciel, on a cette chance de pouvoir diffuser ce qu'on a envie et les meilleurs morceaux de justement ces groupes là quoi. Justement à propos des groupes locaux, il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est One More Rock. D'accord. Ils font que des reprises. Je connais pas, mais. Mais One More Rock, ils sont vraiment excellents. C'est très très très bien. Les reprises qu'ils font, elles sont très bien jouées, très bien chantées. Et en plus leur set, ils l'adaptent selon le public qui viennent les voir. Parce qu'ils font, ils peuvent faire des sessions acoustiques comme des sessions hard. Moi, j'ai été les voir une fois en concert. Franchement, ils sont très très bons. Alors, c'est comment c'est One More Rock. One More Rock. Très bien. Donc, s'ils nous écoutent et qu'ils ont envie de passer dans l'émission Maverica, bon, il y a peut-être là un petit peu la queue parce qu'il y a pas mal de dates qui seront prévues d'ici le mois de juin, mais on trouvera toujours un trou et puis sinon, on attendra quelques mois et ils viendront ici dans les studios. Il n'y a pas de souci. On aime bien recevoir des artistes et puis découvrir justement, parce que depuis le temps que je fais l'émission, ça fait 14 ans, il y a des groupes que je découvre chaque semaine. Donc, c'est incroyable. On croyait qu'on allait faire le tour vite fait. Et malheureusement, il y en a certains aussi que j'ai connus au début qui n'existe plus aujourd'hui et puis inversement, donc voilà, et donc c'est le renouveau sans arrêt et heureusement il y a les jeunes qui arrivent et qui nous font de la bonne chose aussi, des bonnes choses aussi, et ça donc on est content parce que les jeunes ne s'intéressent pas uniquement au rap ou des choses comme ça, il y en a aussi qui aiment le rock'n'roll et donc il faut les encourager, la relève est assurée, voilà. Justement, c'est ce qu'il faut, et ce qui n'empêche pas, on peut aimer le rap et puis aimer le rock aussi, tout à fait. Voilà, il faut écouter plein de choses différentes suivant notre humeur, on n'a pas envie d'écouter toujours la même chose et c'est dommage de se contraindre à écouter une seule musique, c'est vraiment de temps en temps un bon morceau classique, et des fois on a envie d'écouter un truc très très cool et puis d'autres fois on a envie de se faire mal mal aux oreilles, quoi. Ouais. Voilà, il en faut pour tout, pour bah, toutes les... Il faut écouter Petrouchka de Stravinsky, c'est beau, c'est merveilleux, ça, c'est du plaisir, ça. Moi, je pense que les gens, même s'ils écoutent, ils connaissent pas la musique classique, il y a des morceaux qu'on leur diffuse et ils le connaissent. Oui, ils connaissent, ils savent pas qui c'est qui l'interprète, mais c'est des standards, c'est des choses qu'on Beethoven. A tous écoutées. Voilà. Qui connaît pas la cinquième. Ouais. Il y en a plein comme ça. Hein. Voilà, donc autre chose à rajouter, vous êtes à la radio, si vous avez envie de faire un petit commentaire, enfin passer un petit message, va. Allez-y. Non, bah, tout va bien, on espère pouvoir continuer notre chemin sur la route du rock, et puis pouvoir faire un second album, ou faire un second, des enregistrements, quoi. C'est surtout ça. Après, est-ce que on fera quelque chose de physique en tant que disque, on ne sait pas, on verra, mais en tout cas pour présenter de nouveaux morceaux, avoir le temps déjà, parce que là on n'a pas trop le temps de faire des enregistrements. Il y a des démos, il y a des compos qui sont dans les tiroirs. On pourrait faire au moins on pourrait faire 3 albums, 4 albums, même des textes. Faut mettre ça en œuvre. C'est du travail, tout ça, on ne pense pas, c'est du temps, voilà. C'est du travail, c'est, et puis les trucs artistiques, ça se commande pas, c'est ça vient, si ça vient pas, ça vient pas. C'est au moment où ça vient, il peut y avoir plein de trucs qui s'accumulent tout d'un coup, et pendant un petit moment, il n'y a plus rien, et puis donc il faut retravailler ce qu'on a déjà sorti. Ah, c'est tout un truc, c'est toute une organisation, et voilà, c'est... Ouais, comme là, moi, je suis en train de travailler sur un texte, sur les disparus du rock. Il commence à en avoir beaucoup. Hein. Bah oui, oui. C'est vrai de moi, une partie, quoi. Voilà. Ouais. Bon, il y en a qu'on regrette plus que d'autres. Ouais. Je plaisante, je pense à personne en particulier, c'était juste comme ça, mais bon. Très bien, donc je suppose que c'est des artistes qui sont partis au sommet de leur gloire, par exemple, il y en a eu pas mal comme ça aussi. Il y en a eu beaucoup, qui sont partis jeunes. Il faut choisir aussi peut-être les époques aussi. Hein, moi, c'est plus sur les années 60-70, quoi. C'est un peu là-dessus que je vois la chose, mais après bon bah reste à savoir si Gabi, Bertrand ou Stéphane après ça, c'est libre à chacun d'apprécier ou pas, quoi, voilà. Très bien, et en plus il y a de la matière suivant les époques, il y en a eu beaucoup qui sont partis. Je pense par exemple à la chanson de Jean Birkin disparue, avec T-Rex, Brian Jones, Sun Day 16, voilà. Il parle aussi de tous les gens qui étaient partis, les fameux 27, à 27 ans ils disparaissaient. Apparemment il y a une étude qui a été faite, les rockers meurent plutôt autour des 50-60 ans que 27, mais il y a eu quand même pas mal de... Oui. J'ai vu le truc, c'est vrai qu'en principe, oui, il y en a qui sont morts au sommet de leur gloire, c'est pour ça qu'on les a retenus, mais si on fait une moyenne de tous les trucs, ça serait plutôt un peu plus tard quand même, voilà. Malgré la vie qu'ils ont, hein, parce que c'est vrai que les gens qui partent en tournée, monter sur scène, on sait l'univers dans lequel, aujourd'hui c'est peut-être un peu moins, mais à une époque il y avait aussi des substances et tout ça, qui les aidaient à tenir le coup, les conditions n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, ils partaient des mois sans voir leur famille, sans avoir de pied à terre, on comprend. Après, ils dormaient pas comme il fallait. John Bonham de Led Zeppelin, à la fin, il n'en pouvait plus, quoi, parce qu'il était toujours parti en tournée, alors que lui, il ne rêvait que d'une chose, c'était de rester chez lui avec sa femme, ses enfants. Et puis il est sombré dans l'alcool, jusqu'au jour où Robert Plant, il va lui rendre visite, et puis il l'a retrouvé mort sur son lit, quoi, étouffé par son vomi, quoi. Ouais, il y a eu des trucs comme ça, dans l'histoire de rock'n'roll. Mais c'était pareil, il mordait la même chose, mais c'est vrai que Phil Lynott aussi, d'Inizi. Un sacré chanteur-bassiste qui a été retrouvé comme ça aussi. Ils avaient des vies un peu particulières. Michael Hutchence aussi. Et c'est pendu, lui, c'est pas pareil. C'est pendu. C'est vrai. Puis après, ils ont des vies. Moi, j'aime beaucoup Rory Gallagher, c'est pareil. Lui, il est mort d'une cirrhose après transplantation, mais c'est quand même Je pense qu'il y en a qui dissoulent pas, c'est triste. Hein. Ouais. Et il y en a, on se pose des questions, c'est comment ils ont fait pour survivre. Quand on voit Ozzy Osbourne ou Iggy Pop, on dit, mais les gars, il y avait tout ce qu'ils se sont pris. Les Rolling Stones. C'était le plus sobre qui est parti le premier. C'est triste, c'est comme quoi la santé, c'est un peu la même chose. Celui qui est parti en premier, c'est Brian Jones. Brian Jones, ouais. C'était pas le plus sobre. C'est vrai. Non, lui non. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont foutu, qu'ils l'ont viré, quoi. Comme quoi dans l'histoire du rock and roll, il y a des livres et des livres qu'on pourrait écrire. Ouais. Et puis il y en a qui sont écrits. Moi, je sais que j'en ai lu quelques-uns et je les feuillette de temps en temps. Il y a des anecdotes pas possibles sur des groupes qu'on connaît pas forcément, ou alors des groupes, voilà, il y a leur histoire et on s'aperçoit que finalement c'est un monde à part quand même. Et puis moi quelque part aussi, je suis admiratif parce que les gens qui, moi je connais des musiciens comme ça qui sont professionnels, qui partent pendant un certain temps en tournée. Pendant plusieurs mois, ils voient pas leurs enfants, ils voient pas leur femme, ils travaillent et puis ils dorment, ils savent pas où ils vont dormir, ils savent pas où ils vont manger, ils savent pas à quelle heure ils vont manger, ils savent pas à quelle heure ils vont se coucher, le matin à quelle heure ils vont se lever. C'est vraiment, ils découvrent chaque chapeau quand même parce qu'il faut quand même le faire. Hein. Il faut vraiment avoir la passion pour ça. Hein. Bah la passion, puis faut physiquement, faut tenir le choc. Il faut tenir le choc, ouais. Je vois par exemple en ce moment Deep Purple, ils sont sans arrêt en tournée à l'âge qu'ils sont. Ouais. Ils ont quand même. Ouais, quand c'est des jeunes, on comprend, mais. Évidemment, parce que quand ils partent en tournée aussi, il y a les fuseaux horaires qu'il faut accuser. Ah oui. Et ça, quand on a 70 ans passés. Ouais, mais moi, je pense qu'il y a une histoire de tentation aussi là-dedans. Oui. Tu vois, je pense qu'à 78 ans, on n'est pas tenté d'aller passer la soirée avec les groupies du rock qui moi je sais pas, j'aurais eu à 25 ans je sais pas comment on aurait réagi on prend des rockers qui viennent de familles où c'était des gens qui n'avaient pas qui se droguaient pas rien du tout, puis ils commencent à avoir du succès, puis la tentation est là en fait. Mmh. Et cette tentation, au bout d'un moment, je pense que même si on a beau être hyper dur, avoir une hygiène de vie nickel, avoir un comportement nickel auprès de tous, je pense qu'il y a des chances qu'on puisse craquer, quoi. Alors certains sont plus costauds que d'autres, mais la personne moyenne, je pense qu'elle peut très très rapidement craquer, quoi. C'est pour plein de choses, quoi. Et souvent, il y a beaucoup de groupes de rock, c'est Sex, Drugs and Rock'n'Roll, on soumet à la tentation. Et puis, je pense qu'ils sont sur scène, les gens les acclament. Ouais, ils sont dopés. C'est-à-dire que là, on parlait des gens qui avaient 70 ans, mais ils montent sur scène, ils ont 20 ans. Oui. Et ils oublient toute leur douleur et tout ça. Il y a ce phénomène-là. Il y a l'adrénaline qui est là. Et donc, forcément, quand ils sont là, ils sont acclamés, ils ont leurs instruments, ils font ce qu'ils aiment. Forcément, sur le coup, ils le sentent pas. Hein. Mais le lendemain, ils ont peut-être un peu de mal. Hein. On peut comprendre pourquoi moi je fais de la musique. Le rock'n'roll, ça concerne. Oui, la preuve, je suis là. Voilà. La musique a tendance à faire de la musique, a tendance à bien conserver. Et les gens qui font de la musique, ils ont moins de problèmes d'Alzheimer, c'est ça. Ouais. Le fait de travailler le cerveau, il paraît que les musiciens font travailler leur cerveau, même inconsciemment. Mais oui, quelque part, quand vous jouez un instrument, les notes, tout ça, c'est enregistré, le tempo, les machins. Et le fait de faire travailler son cerveau en faisant de la musique, il paraît que oui, ça préserve de pas mal de dégénérescence. Il faut faire la musique. Allons-y. Même si pour gratouiller trois accords à la guitare, c'est faut faire la musique. Moi, je dis aux jeunes, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, faites de la musique, n'importe laquelle. En plus, c'est super. En plus, c'est un vecteur d'intégration, quoi, auprès des autres, de travail en groupe, c'est super, c'est très enrichissant quand on fait de la musique humainement, c'est génial, quoi, c'est génial. Voilà, donc on a dit plein de choses, finalement on va meubler un petit peu et puis on a déjà dépassé l'heure. Le truc il est là. On peut peut-être parler d'une grande star, je sais pas si c'est ce morceau-là, c'est Steve Jones. Justement. C'est quand même une grande star de la musique, on a complètement perdu de vue, et cette chanson elle lui est dédiée. voilà, Steve Jones, l'Ayatollah des Rock and Roller. Donc c'est une chanson qui a été écrite en rapport avec le film Le Maître de Guerre de Clint Eastwood. Alors, donc, pour ceux qui veulent revoir le film, c'est un très très bon film. Et Clint Eastwood dedans joue le rôle d'un sergent qui va dans une base d'entraînement pour l'armée, pour les Marines. Et il fait la rencontre de Steve Jones, qui est joué par, je ne me rappelle plus quel acteur, qui est afro-américain. Et qui se prend pour la star du rock'n'roll, quoi. Et nous, on s'est dit, peut-être qu'il a fait vraiment une vraie carrière, quoi. Il n'est pas devenu militaire professionnel, il a continué sa carrière de rock'n'roller. Voilà, la chanson Steve Jones est née. Très bien. Donc, voilà. C'est vrai que c'est un morceau que j'ai passé dernièrement, j'ai passé plusieurs fois déjà. C'est vrai qu'il revient assez facilement et j'ai déjà diffusé. Mais cette fois-ci, on va découvrir la nouvelle version. Voilà. Voilà. On arrive à la fin de l'émission, donc on a l'habitude de terminer avec des phrases magiques. Alors, les phrases magiques, c'est que le rock'n'roll soit avec vous. On peut dire, allez, on peut même élargir. Moi, je dis, c'est que la musique soit avec nous. Voilà. Ça, c'est important dans la vie de tous les jours. Elle nous accompagne et elle nous aide à. Dans les moments difficiles, dans les moments où on s'ennuie, la musique, c'est quelque chose de formidable. Et puis après, c'est une passion aussi, donc il faut aller aussi vers la musique, hein. Il faut aussi aller encourager les groupes, il faut aussi en faire, comme vous le faites. Everything is gonna be alright, voilà, dans le message d'espoir, comme je dis, en anglais toujours. Et une vie sans musique serait une erreur. Ça, c'est Nietzsche qui dit ça, donc on l'a dit, ça, c'est les phrases magiques qui reviennent toutes les semaines, donc on les dit à la fin de l'émission. C'est une tradition, c'est comme ça. Et puis, en tout cas, merci beaucoup d'être venu pour cette édition numéro 628. Merci de nous avoir invités. De toute façon, là, c'est la deuxième fois que vous venez. Ouais. Et puis, on remercie aussi dans quelques temps, il n'y a pas de souci. Hein. On peut remercier les auditeurs aussi qui ont bien voulu écouter nos chansons. Voilà, merci à tous. Et puis, merci à toi. Puis la prochaine fois, on reviendra avec de nouveaux morceaux. Et si on revient, je vous promets, on fera une adaptation de quelques morceaux qu'on fera en semi-acoustique. D'accord, en live, ouais. Voilà. Vous aviez amené de la matière, on a eu de quoi. On fera un semi-acoustique ici, on peut reprendre deux, trois morceaux, on aime bien ça. Voilà. On est dans un studio, ça se fait one shot, il n'y a pas un technicien, il n'y a pas de vocodeur, il n'y a rien du tout, ça se fait vraiment en direct. Mm-hmm. Les musiciens, c'est des vrais musiciens, les chanteurs, c'est des vrais chanteurs. C'est ce qu'on met en valeur, même si techniquement c'est pas parfait, c'est quand même quelque chose de formidable parce qu'aujourd'hui plus grand monde le fait, plus personne ne le fait en direct dans la radio. On doit être les derniers. Les derniers, ça se fait. On fait de la radio comme dans les années 50 où il y avait un seul micro au milieu d'une pièce et puis tout le monde parlait sur le même micro, il jouait sur le même micro, etc. Et nous, on aime bien ce côté-là, côté humain, côté échange. On est tous ensemble, on passe un bon moment. Et puis même si techniquement c'est pas un studio d'enregistrement, au moins ça passe bien. Oui, ça passe bien. Plusieurs fois j'ai écouté la Jerry Longfair, Jésus Whisky aussi, beaucoup qui le font. Ah. Oui. C'est vrai que ça c'est le petit côté que j'aime bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à notre ami Florent qui enregistre tous les podcasts, on récupère ces enregistrements et on les rediffuse dans les émissions quelques temps après. Donc voilà, c'est les versions Mavrica des différents artistes qui sont passés dans le studio. Voilà, donc on va se quitter donc avec le morceau de... Tiens, on va en mettre un juste derrière et puis Florence, s'il veut couper, il pourra couper avant. Donc, c'est Stitch Jones, le groupe Narcos. Puis après, je voulais passer un petit Lajari. On va le passer comme ça, on va dépasser un petit peu. Donc, c'est le dernier morceau. D'ailleurs, je suis en train de chercher le nom. C'est Un Shot de Toi. Et pour vous rappeler que Lajari sera avec nous dans 15 jours. Donc, pas la semaine prochaine, mais celle d'après. Voilà, cette émission Mavrica se termine. Merci beaucoup à vous d'avoir passé quelques instants. Puis l'émission se termine, mais nous derrière, on va faire les photos et tout ça pour qu'on ait des souvenirs de ce moment de partage. Voilà, cette émission se termine. C'était l'édition numéro 628. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine et rendez-vous donc vendredi à partir de 19h sur 96.2 MHz et sur radio-arc-en-ciel.fr.com, je sais plus. Bon, de toute façon, vous tapez radio-arc-en-ciel et ça marchera, il n'y a pas de souci. Voilà, merci beaucoup et puis à très bientôt.

chama-se... Não há medo das palavras, pois não, Luís Cristóvão? Isto chama-se queimar tempo, não é? Sim, e ter receio do adversário e, sobretudo, incapacidade de mexer com o jogo a andar.